Listen to this. Écoutez ceci. When the Lord he called Israel out of Egypt. Que lorsque le Seigneur appelait Israël hors d'Égypte. When he pulled them out of slavery. Quand il les a fait sortir de l'esclavage. He was also very surprised. Il était aussi très surpris. Because he found out. Parce qu'il a découvert. That Israel was not fully delivered. Que Israël n'était pas totalement délivré. That when they entered the wilderness, que lorsqu'ils se sont retrouvés au désert, they began to live the Egyptian lifestyle. Ils ont commencé à avoir le mode de vie des Égyptiens. And they began to long for Egypt. Et ils ont commencé à soupirer après l'Égypte. He used a lot of force and power to deliver them. Dieu a utilisé beaucoup de force et de puissance pour les délivrer. But when they came to the wilderness, mais lorsqu'ils sont arrivés au désert, they forgot. Ils ont oublié. They did not understand the mission and vision of the Lord for their deliverance. Ils n'ont pas compris la mission et la vision du Seigneur pour leur délivrance. If you listen to what Moses said, si vous écoutez ce que Moïse a dit, when Moses was sent to the king, quand Moïse a été envoyé au roi, Moses told the king, Moïse a dit au roi, this is what the Lord says. Voici ce que dit le Seigneur. Release my people. Laisse mon peuple. Let my people go. Laisse mon peuple partir. That they may worship me. Pour qu'ils puissent m'adorer. So it was about worship. Donc il s'agissait de l'adoration. It was about the worshiping of Jehovah. Il s'agissait de l'adoration de Jéhovah. Listen to me, the people of Cameroon. Écoutez-moi, peuple du Cameroun. And so the Lord was saying essentially. Alors Dieu disait essentiellement que. That he was going to use Israel. Qu'il va utiliser Israël. To restore worship. Pour restaurer l'adoration. And that's why when they reached the wilderness. C'est pour ça que lorsqu'ils sont arrivés au désert, and he gave them manna from heaven. Il leur a donné la manne du ciel. It was a prophecy, a foreprophecy. C'était une prophétie. A foreprophecy, foreprophecy. Une prophétie à l'avance. That the Lord was speaking. Que le Seigneur donnait. He was saying, like I give you manna right now from heaven. Il disait comme je vous donne la manne maintenant du ciel. The bread that is coming from heaven. Le pain qui vient du ciel. So am I saying. Alors je suis en train de dire that I am going to use you que je vais vous utiliser to bring forth the bread of life pour amener le pain de vie whose name is Jesus qui est, dont le nom est Jésus through your bloodline à travers votre descendance sanguine that the bread of life que le pain de vie is going to come through you. Va venir à travers vous. The Lord had already decided. Le Seigneur avait déjà décidé. That the Messiah would come through them. Que le Messie devait venir à travers eux. But Israel did not understand this. Mais Israël n'avait pas compris ceci. And Israel. Et Israël. Decided to reject the Lord's ways. A décidé de rejeter les voies du Seigneur. And so the only time when the cloud of God came to lead them. Que la seule fois où la nuage de Dieu est venue les diriger, is when they went astray, c'est le moment où ils se sont égarés, meaning they are lost, qui veut dire qu'ils sont perdus, and they wanted to go back to Egypt. Et ils voulaient retourner en Égypte. There is a moment between Mount Sinai and the Red Sea. Il y a un moment entre le mont Sinaï et la mer Rouge. When the Lord now came, lorsque le Seigneur est venu, himself, lui-même, to lead them. Pour les diriger. And that's where I want to begin from. Et c'est de là que je veux commencer. Can we read the book of Numbers? Est-ce qu'on peut lire le livre de Nombres? The book of Numbers, chapter 9. Nombres chapitre 9. Numbers chapter 9, precious people. Nombres chapitre 9, peuple précieux. Alléluia. Amen. Numbers chapter 9. Nombres chapitre 9. Verses 15 to 23. À partir du verset 15 jusqu'au verset 23. On the day the tabernacle, the tent of the testimony was set up, the cloud covered it. From evening till morning, the cloud above the tabernacle looked like fire. Le jour où le tabernacle fut dressé, la nuée couvrit le tabernacle. La tente d'assignation, et depuis le soir jusqu'au matin, elle eut sur le tabernacle l'apparence d'un feu. That is how it continued to be. The cloud covered it. And at night, it looked like fire. Il en fut continuellement ainsi. La nuée couvrait le tabernacle et elle avait de nuit l'apparence d'un feu. Whenever the cloud lifted above the tent, the Israelites set out. Whenever the cloud settled, the Israelites encamped. Quand la nuée s'élevait de dessus la tente, les enfants d'Israël partaient, et les enfants d'Israël campaient dans le lieu où s'arrêtait la nuée. At the Lord's command, the Israelites set out, and at the Lord's command, at his command, they encamped. As long as the cloud stayed over the tabernacle, they remained in camp. Les enfants d'Israël partaient sur l'ordre de l'Éternel, et ils campaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils campaient aussi longtemps que la nuée restait sur le tabernacle. When the cloud remained over the tabernacle a long time, the Israelites obeyed the Lord's order and did not set out. Quand la nuée restait longtemps sur le tabernacle, les enfants d'Israël obéissaient au commandement de l'Éternel et ne partaient pas. Sometimes the cloud was over the tabernacle only a few days. At the Lord's command, they encamped, and then at his command, they would set out. Quand la nuée restait peu de jours sur le tabernacle, ils campaient sur l'ordre de l'Éternel, et ils partaient sur l'ordre de l'Éternel. Sometimes the cloud stayed only from evening till morning, and when it lifted in the morning, they set out. Whether by day or by night, whenever the cloud lifted, they set out. Si la nuée s'arrêtait du soir au matin, ils se levaient le matin, ils partaient. Si la nuée se levait après un jour et une nuit, ils partaient. Whether the cloud stayed over the tabernacle for 2 days or a month or a year, the Israelites would remain in camp and not set out. But when it lifted, they would set out. Si la nuée s'arrêtait sur le tabernacle 2 jours, ou 1 mois, ou 1 année, les enfants d'Israël restaient campés et ne partaient point. Et quand elle s'élevait, ils partaient. At the Lord's command, they encamped, and at the Lord's command, they set out. They obeyed the Lord's order in accordance with his command through Moses. Ils campaient sur l'ordre de l'Éternel, et ils partaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils obéissaient au commandement de l'Éternel, sur l'ordre de l'Éternel par Moïse. Thank you so much. Now listen to me. Alors écoutez-moi. What is the Lord saying here? Qu'est-ce que le Seigneur dit ici? This was the moment. Ceci était le moment. When Israel was lost. Où Israël était perdu. And when the Lord saw Israel, et quand le Seigneur a vu Israël, he saw them saying that they want to go back to Egypt. Il les a vus en train de dire qu'ils veulent retourner en Égypte. And he was shocked. Et il était choqué. Because the vision and mission of the Lord for Israel, parce que la vision et la mission du Seigneur pour Israël, was that the Israelites, était que les Israélites, become the lineage, deviennent la lignée, the bloodline, la lignée sanguine, through which the Messiah would come, à travers lequel le Messie devait venir, that worship of Jehovah may be restored, pour que l'adoration de Jehovah soit restaurée. But now, mais maintenant, he was hearing them saying they want to go back. Il les entendait dire qu'ils veulent retourner. So listen, precious people. Alors écoutez, peuple précieux. Because of what was at stake, the danger, à cause de ce qu'il y avait de dangereux, the Lord God Almighty, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, was compelled to come down himself, était contraint à descendre lui-même, to come down himself, à descendre lui-même, because, parce que, of what was about to be lost, de ce qui était sur le point de se perdre, the shame that would be held, la honte qui allait recouvrir cela. God Almighty the Father, Dieu le Père Tout-Puissant, was forced to come down himself, était contraint à descendre lui-même, that he may give the leading of God, pour qu'il puisse donner la direction de Dieu. And God came, et Dieu est venu, and lived inside a tabernacle, a tent, est venu et a vécu dans un tabernacle, dans une tente. God of heaven, Dieu du ciel, came down, est descendu, and lived in a human tent, et a vécu dans une tente humaine. 40 years. 40 ans. Look now. Regardez. Like this. Comme ça. Like this with Israel. Comme ça avec Israël. Until they entered. Jusqu'à ce qu'ils soient entrés. Ah! I want you to appreciate that. Je veux que vous puissiez apprécier cela. Number two. Deuxièmement. When he came to Israel, lorsqu'il est venu à Israël, that is the time where there was highest corruption in the house of Jacob. C'était le moment de la corruption dans son haut sommet, dans la maison de Jacob. At that time, en ce temps-là, they were longing for pots of meat. Ils soupiraient après des marmites de viande. They were not seeing that manna is the true holy bread from the throne of God. Ils ne voyaient pas que la manne était le vrai pain saint venant du trône de Dieu. No, they did not want. Non, ils ne voulaient pas. They were longing for Egyptian life. Ils soupiraient après la vie des Égyptiens. They were sitting. Ils s'asseyaient. And talking about Egyptian dishes. Il parlait des mets égyptiens. I said, j'ai dit, that if you go to London, que si vous allez à Londres, you might meet the Cameroonian community. Vous pouvez trouver la communauté camerounaise. They are meeting and talking in Cameroonian language. Ils se rencontrent et parlent les langues camerounaises. And they are talking about the Cameroonian dishes. Et parlent des mets camerounais. And so that's why the Lord came in. Et c'est pour ça que le Seigneur est venu. Because of that confusion. À cause de cette confusion. He said, you need to have a new life. Il dit, vous devez avoir une nouvelle vie. But look at this. Mais considérez ceci. Rebellious Israel. Israël dans la rébellion. Very rebellious. Très profond dans la rébellion. But when the cloud comes. Mais lorsque la nuage est venue. You see a different Israel. Vous voyez un Israël différent. Can I talk this? Je peux dire ici. When the cloud of God, when God Himself comes, lorsque le nuage, lorsque Dieu lui-même vient, you see a different identity of Israel. Vous voyez une autre identité différente d'Israël. When the cloud settled, they settled. Quand la nuée s'arrêtait, ils s'arrêtaient. When the cloud lifted, they lifted. Lorsque la nuée s'élevait, ils levaient le camp. Whether by day or night, que ce soit le jour ou la nuit, whenever the cloud lifted, chaque fois que le nuage était levé, they obeyed, ils ont obéi, and followed, et ils ont suivi. Whether by day or night, que ce soit le jour ou la nuit, for one day or one month, pour un jour ou pour un mois, when the cloud settled, quand le nuage se déposait, even for a year, même si c'était pour un an, they obeyed and stayed. Ils ont obéi et ils sont restés là. That is a different Israel. Voici un autre Israël. Before he came, it was rebellious Israel. Avant qu'il vienne, c'était Israël rebelle. When he came, God came himself down. Quand Dieu est venu lui-même. God himself came down. Dieu lui-même est descendu. The identity of Israel changed. L'identité d'Israël a changé. Do you understand the message? Vous comprenez le message? Because parce que the church has been rebellious. L'église a été dans la rébellion. Very. Très. Very, very rebellious, the Church of Christ. Très, très rebelle. And I know because I'm dealing with the church globally. Et je le sais parce que je traite avec l'Église sur le plan mondial. He has sent me to deal with the church globally. Il m'a envoyé traiter avec l'Église sur le plan mondial. I am also dealing with homosexuality at the pulpit. Je dois aussi traiter de l'homosexualité à l'autel. I am also dealing with prostitution in the house. Je dois aussi traiter la question de la prostitution dans la maison. I'm dealing with everything, including the false prophets. Je traite de tout, même des faux prophètes. The church, l'Église, has been very most rebellious. A été très profondément rebelle. Israel, was most rebellious. Était très rebelle. But when God the Father Himself came down, mais lorsque Dieu le Père lui-même est descendu, Israel, whenever the cloud lifted, chaque fois que la nuée s'élevait, they obeyed, ils ont obéi, and lifted, they went, et ils se sont levés, ils sont partis. When the cloud settled, lorsque la nuée s'arrêtait, they obeyed, ils ont obéi, and they came, et ils sont restés. And Israel became obedient. Israël est devenu obéissant. Do you understand the message? Est-ce que vous comprenez le message? Did somebody understand the message? Est-ce que quelqu'un a compris le message? He's saying, il dit, when God the Father Himself has entered the Lorsque Dieu le Père lui-même est entré dans la maison, it does not matter the disobedience. Peu importe la désobéissance. Now, maintenant, we must obey. Nous devons obéir. Meaning, cela signifie, he brings to the house, il vient, il amène à la maison, the dispensation of obedience, la dispensation de l'obéissance, obedience to God, l'obéissance à Dieu, meaning, signifiant que, now the church in Cameroon, maintenant l'église au Cameroun, now you know that God is in the house, vous savez maintenant que Dieu est dans la maison. That means from this moment on. Cela veut dire qu'à partir de ce moment, this is the hour of obedience in the church. Voici l'heure de l'obéissance dans l'église. Why? Pourquoi? Listen, why? Écoutez pourquoi. Because, parce que, he realized, il a constaté, that they had never been this way before. Qu'ils n'ont jamais été comme ceci avant. The house of Jacob, la maison de Jacob, did not know the road that leads to the promised land. Il ne connaissait pas le chemin qui conduit à la terre promise. Same thing with the church. La même chose avec l'église. The church has never been to the rapture. L'église n'a jamais été dans l'enlèvement. She has never been to this side. Il n'a jamais donc été de ce côté-là. And so, et alors, she definitely needs direction. Elle a délibérément besoin de direction. She needs the leading of God. Elle a besoin de la direction de Dieu. That she may know which way to go. Pour qu'elle puisse savoir quel chemin prendre. Number two. Point deux. Listen to this. Écoutez ceci. When Israel, lorsque Israël, this, by the way, en passant, the same cloud, same. Le même nuage. Same. La même exact. Exactement la même. When Israel, lorsque Israël, decided, a décidé, to follow and obey the Lord now. À suivre et obéir le Seigneur maintenant. Look at what happened. Regardez ce qui s'est passé. They made history. Ils ont créé l'histoire. They entered the history books of heaven and earth. Ils ont intégré les livres d'histoire du ciel et de la terre. Why? Pourquoi? Because. Parce que. They became the first nation. Ils sont devenus la première nation to ever follow Jehovah, pour à suivre Jéhovah, to follow Jehovah like this, à suivre Jéhovah comme ça, the first nation, la première nation, to ever do that, à jamais faire cela, and by doing that, et en faisant cela, they became the people, ils sont devenus le peuple, whose God is Jehovah, dont le Dieu est Jéhovah. And by doing that, et en faisant cela, by becoming the people, en devenant le peuple, whose God is Jehovah, dont le Dieu est Jéhovah, then they became, ils sont devenus, the covenant people of the Lord, le peuple d'alliance de l'Éternel. This connection with him, cette connexion avec lui, it made the whole world until today. Il a fait cela dans tout le monde entier jusqu'à aujourd'hui. Know that surely Israel is the covenant people of Jehovah. Qu'on sache que certainement Israël est le peuple d'alliance de Dieu. Can I read it? Est-ce que je peux lire cela? The book of Exodus. Nous allons dans le livre d'Exode. Exodus chapter 19. Exode chapitre 19. The Lord Jesus said. Le Seigneur Jésus a dit. It is meant to be hidden. Cela est destiné à être caché. Because his disciples did this. Parce que ses disciples ont fait ceci. They saw the type of gospel he was preaching. Ils ont vu le type d'évangile qu'il prêchait. And they came to him and said, ils sont venus le voir et dit, this is a difficult gospel. Ça, c'est un évangile difficile. You preach it like this, tu prêches ça comme ça, and you are rebuking these people. Et tu réprimandes ces gens. And then you are speaking to them in parables. Et tu leur parles en paraboles. They don't understand you. Ils ne te comprennent pas. What type of ministry is this? C'est quel genre de ministère comme ça? So the disciples came to protest. Alors les disciples sont venus pour protester. They said, we want to resign. Ils ont dit, on veut démissionner. But the answer he gave them, mais la réponse qu'il leur a donnée, is what destroyed them most. C'est ce qui leur a encore plus détruit. Because he told them, parce qu'il leur a dit, it is meant to be hidden. C'est destiné à être caché. And only to they that shall seek, et seulement à ceux-là qui vont chercher, shall it be revealed. À cela, il sera révélé. At one point, he told them. À un certain moment, il leur a dit. Because they came and said. Parce qu'ils sont venus dire. Are only a few people going to get saved this time that you have come? Que est-ce donc très peu de personnes qui vont être sauvées cette fois-ci que tu es venu? Because of the way you are preaching it. Parce qu'à cause de la manière dont tu prêches ça. You are rebuking them. Tu les réprimandes. You are very harsh on sin. Tu es très dur sur le péché. This is not right. Ceci n'est pas, c'est pas correct. And then the Lord said, et alors le Seigneur a dit, you stop asking many questions. Vous allez arrêter de poser toutes ces questions. You enter through the narrow door before it closes. Vous entrez par la porte étroite avant que ça ne se ferme. You just enter through the narrow door before it closes. Entrez simplement par la porte étroite avant qu'elle ne se ferme. Exodus 19. Exode 19. Hallelujah. Amen. The book of Exodus chapter 19. Exode chapitre 19. I'm reading from verse 3. Je commence par le verset 3. He says, il dit, then Moses went up to God, and the Lord called to him from the mountain and said, this is what you are to say to the house of Jacob, and what you are to say to the people of Israel. Moïse monta vers Dieu, et l'Éternel l'appela du haut de la montagne, en disant, tu parleras ainsi à la maison de Jacob, et tu diras aux enfants d'Israël. You yourselves have seen what I did to Egypt, and how I carried you on eagle's wings and brought you to myself. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur les ailes d'aigle et amené vers moi. Verse 5. Verset 5. Now, if you obey me fully and keep my covenant, then out of all the nations, you will be my treasured possession. Although the whole earth is mine, you will be for me a kingdom of priests, a holy nation. These are the words you are to speak to the Israelites. Maintenant, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. So Moses went back and summoned all the elders of the people and set before them all the words the Lord had commanded him to speak. Moïse vint appeler les anciens du peuple et il mit devant eux toutes ces paroles comme l'Éternel lui avait ordonné. What is the message? Quel est le message? This cloud came down on the mountain. Cette nuage est descendue sur la montagne. The same visitation. La même visitation. When he came down on the mountain. Lorsqu'il est descendu sur la montagne. Then look, he called Israel. Il a appelé Israël. He summoned Moses to come to him. Il a convoqué Moïse à venir à lui. And when Moses went. Et lorsque Moïse est allé. This is what he said. Voici ce qu'il dit. He said, il dit, go tell them, va leur dire, that even though I have created the whole earth, que bien que j'ai créé toute la terre, and all nations, et toutes les nations, if they will obey my command, s'ils obéissent à mon commandement, and keep my laws, et gardent mes lois, my requirements, mes exigences, my word, mes paroles, if they will do that, s'ils le font, with all their heart, de tout leur cœur, and he says, et il dit, that if they will obey me, que s'ils m'obéissent, with all their heart, de tout leur cœur, their soul, de toute leur âme, their mind, de toute leur pensée, their strength, de toute leur force, then even though I created all the nations, alors bien que j'ai créé toutes les nations, to me, pour moi, they will be my treasured possession. Ils seront ma possession de trésors. A kingdom of priests. Un royaume de sacrificateurs. A holy nation. Une nation sainte. A holy people. Un peuple saint. Now listen to this. Alors écoutez ceci. That is the mark, the identity God gave them for obedience. Voilà la marque, l'identité que Dieu leur a donnée à cause de l'obéissance. Obedience. To the command, l'obéissance, of this visitation, l'obéissance au commandement de cette visitation. Let us move now to the church. Alors, montons maintenant à l'église. The book of 1 Peter chapter 2. 1 Pierre chapitre 2. 1 Peter chapter 2. 1 Pierre chapitre 2. Hallelujah. 1 Peter chapter 2 verse 9. 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Let us go to the church now. Allons donc voir vers l'église maintenant. 1 Peter chapter 2 verse 9. 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Because the church is also experiencing this visitation now. Parce que l'église est aussi en train d'expérimenter cette visitation maintenant. He says, il dit, but you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, a people belonging to Jehovah, belonging to God, that you may declare the praises of him who called you out of darkness into the wonderful light. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Once you were not a people, but now you are the people of God. Once you had not received mercy, but now you have received mercy. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Do you understand what this visitation is saying to the church? Est-ce que vous comprenez ce que cette visitation est en train de dire à l'église? The Lord used this visitation. Le Seigneur a utilisé cette visitation. From all the nations. À partir de toutes les nations. He carved out Israel. Il a sorti Israël. Using this visitation. Utilisant cette visitation. As his treasured people. Comme son peuple précieux. That all the nations. Pour que toutes les nations. Until today. Jusqu'à aujourd'hui. When they look at Israel. Que lorsqu'ils regardent Israël. They say wow. It is wow. The people whose God is Jehovah. Le peuple dont Jehovah est le Dieu. The people of the Lord. Le peuple de Dieu. And they became the treasured people of God. Ils sont devenus le peuple précieux de Dieu. This visitation carved out. Cette, say, you are now treasured to me. Cette visitation les a sortis du milieu des autres et dit maintenant vous êtes précieux pour moi. For eternity and eternity. D'éternité en éternité. But now, mais maintenant, he has come to church. Il est revenu à l'église. Which means he wants to say this. Pour dire qu'il veut dire ceci. He's saying, il dit that if the church que si l'église will obey me now, obey, lui obéisse maintenant, obey this visitation, obéis à cette visitation, you also, vous aussi, from the whole world, de tout le monde entier, he will carve you out, il va vous sortir, as the people of the Lord, comme le peuple du the Seigneur, the treasured people of God, le précieux peuple de Dieu, the holy nation, une nation sainte, the nation of priests, la nation de saints, the inheritance of heaven, l'héritage du ciel. He did so. Il a fait ainsi. To carve Israel out. Pour sortir Israël. Because he had decided. Parce qu'il avait décidé. That Israel now becomes the inheritance of God. Que Israël puisse devenir l'héritage de Dieu. They have inheritance with God now. Ils ont l'héritage avec Dieu maintenant. And he's doing so in the church now. Et il le fait ainsi dans l'église maintenant. Because the church. Parce que l'église. Also right now. Même aussi maintenant. The church that will obey the holy requirement of Jehovah now. L'église qui va obéir aux saintes exigences de Jéhovah maintenant. That church also. Cette église là aussi. Will have the inheritance with God. Auront leur part avec Dieu. Will become the children of God. Seront vont devenir les enfants de Dieu. Because Nicodemus asked. Parce que Nicodème a demandé. How can a man? Comment est-ce qu'un homme? Enter. Puisse entrer. When he's old like this, lorsqu'il est vieux comme ça, does he go back to the stomach? Est-ce qu'il rentre dans le ventre? And be born again? Et pour être né de nouveau? He said no. Oh, non. No. No. He says. Il a dit. When a man is born again, lorsque un homme est né de nouveau, flesh is flesh. Ce qui est la chair est chair. And the spirit is spirit. Est-ce qu'il y a de l'esprit et esprit? It becomes inheritance. Ça devient un héritage. A new birth. Une nouvelle naissance. The church needs a second deliverance. L'église a besoin d'une deuxième délivrance. When I look at the church in Cameroon, lorsque je regarde l'église au Cameroun, she wants Jesus to go back. Elle veut que Jésus retourne to the cross. À la croix. That's what I hear her saying. C'est ce que j'entends l'église dire. The way the women dress in the church. Quand les femmes louent à l'église, leurs habits de femmes. The way the pastors preach. La manière dont les pasteurs prêchent. How can you not rebuke this sin? Comment est-ce qu'on peut ne pas reprimander ce péché? When God has sent you. Quand Dieu vous a envoyé. If you are the true pastor of God. Si tu es le vrai pasteur de Dieu. You must rebuke this sin. Tu dois reprimander ce péché. You must. Tu dois le faire. How can you allow them? Comment tu peux le leur permettre? So when I listen to the church, donc quand j'écoute l'église in Cameroon, au Cameroun, they say, Lord, il dit Seigneur, send him back, renvoie-le to Calvary, au calvaire. Look, the first Calvary is not enough. Seigneur, regarde, le premier calvaire n'est pas assez. It has not delivered me. Ça ne m'a pas délivré. It is not enough. Ça ne suffit pas. Me, I want a second Calvary. Moi, je veux un deuxième calvaire. And the Lord says, et le Seigneur dit, Jesus will never, ever go back to the cross. Jésus ne va jamais, jamais retourner à la croix. If you want to be born again, si vous voulez naître de nouveau, use the first Calvary. Utilise le premier calvaire. And enter. Et entrez. This joke in the church. Cette blague dans l'église. Where the Christians are lying here and it's just tolerated. Lying all the time, lying. And it's okay, it's tolerated. It's accepted. Où les chrétiens mentent tout le temps et on tolère et c'est accepté. It must come to an end. Ça doit finir. Because the devil is the father of lies. Parce que le diable est le père du mensonge. So you are not children of devil. Donc vous n'êtes pas les enfants du diable. The devil never created the church in Cameroon. Le diable n'a pas créé l'église du Cameroun. So did you understand the message coming from this visitation? Donc si vous comprenez le message venant de cette visitation, he's saying, il dit that this visitation, que cette visitation comes to carve out, vient pour sortir God's elect, les élus de Dieu. He comes to separate out his own treasured possession. Ça vient pour séparer sa propre possession précieuse. Hallelujah. That is what he's saying. Voilà ce qu'il dit. Now look at this. Alors, maintenant, regardez ceci. I read from Revelation chapter 6, verses 5 and 6. Hier, j'ai lu le livre d'Apocalypse, chapitre 6, versets 5 à 6. And we saw, et nous avons vu, that there are two churches. Qu'il y a deux églises. That the prophecy Jesus gave on the Mount of Olives. Que la prophétie que Jésus a donnée sur le mont des Oliviers. When John received the revelation of that prophecy. Quand Jean a reçu la révélation de cette prophétie. The revelation transcript. Le transcript de cette révélation. When John received the revelation transcript of that prophecy. Quand Jean a reçu la révélation, le transcript de la révélation de cette prophétie. Then. Alors. John recorded it. Jean l'a enregistré. In Revelation chapter 6. Dans Apocalypse chapitre 6. Okay, I have been teaching this, but I've not taught it here. Donc, j'enseigne ceci déjà, mais je ne voulais pas encore enseigner. Listen to me. Écoutez-moi. When you look at the prophecy of the four apocalyptic horsemen. Lorsque vous regardez la prophétie des quatre chevaliers apocalyptiques. This is what you find. Voici ce que vous trouvez. When Jesus had finished ministering, quand Jésus avait fini de rendre ministère, every time it was the routine of Jesus. Chaque fois c'était la routine de Jésus. That every time he finished ministering, que chaque fois qu'il finissait de rendre ministère, then he withdrew from the public. Alors il se retirait du public. And because my Lord did not have a home, et parce que mon Seigneur n'avait pas de maison, he always withdrew to the rock on the Mount of Olives. Il se retirait toujours au milieu des rochers du mont des Oliviers. When he went there on that rock, et lorsqu'il est venu là-bas, aller sur ce roc, then he rested his ribs. Alors il pouvait reposer ses côtes. He rested his head. Il pouvait reposer sa tête. There is a scripture where he says, il y a une écriture où il dit, Is it even the wolves have a hole to rest their heads, but the Son of Man does not? Où il dit que même les renards ont une tanière, mais le Fils de l'homme n'a pas où mettre sa tête. So when he reached there, he could. Donc quand il y arrivait, il pouvait. He could rest a bit. Il pouvait se reposer un peu. And the Holy Spirit could minister to him. Et le Saint-Esprit pouvait lui rendre un ministère. And renew his strength. Et renouveler sa force. So in one of those days, dans un de ces jours, when he was retracting, withdrawing from the public, pendant qu'il était en train de se retirer de la foule, after ministering to them, après leur avoir rendu ministère, then the disciples came up to him. Alors les disciples sont venus vers lui. When the disciples came up to him, et lorsque les disciples sont venus vers lui, they said, Lord, ils ont dit, Seigneur, look how beautiful. Regarde la beauté. If you look at the book of Luke, si vous regardez dans le livre de Luc, Luke says, Luke dit, they tried to draw his attention, ils ont essayé d'attirer son attention, to the magnificence, sur la magnificence, of the architecture of the house of the Lord. De l'architecture de la maison du Seigneur. The other versions say, d'autres versions disent, they tried to draw his attention, ils ont essayé d'attirer son attention, to the gifts that were given to the house of the Lord. Aux dons qui étaient offerts à la maison du Seigneur. Because some of the pillars were made with gold. Parce que certains des piliers étaient faits d'or. Listen to me very carefully now. Écoutez-moi très bien maintenant. And he says, et il dit, when they were busy trying to draw his attention to the magnificence of the stunning architecture of the house. Pendant qu'ils étaient occupés à attirer son attention sur la magnificence de cette architecture imposante de la maison du Seigneur. Then look what he said. Alors regardez ce qu'il dit. He looked at them, il les a regardés. And he felt sorry for them. Et il a eu pitié d'eux. Because he said, parce qu'il dit, do you see all this? Est-ce que vous voyez tout ceci? A time is coming, un temps vient when all this, où tout ceci must be brought down, va s'écrouler. And he said, et il dit, brought down to the extent, écroulé, renversé jusqu'à, that not one stone will remain on another. Qu'aucune pierre, il n'y aura pas ici pierre sur pierre. The level of bringing down, le niveau du renversement. This is a different message, the prophecy of the four apocalyptic horsemen. Ça c'est un autre message, la prophétie des quatre chevaliers apocalyptiques. When that happened, quand cela se produit, he shocked them. Cela les a choqués. Why would someone destroy such a beautiful temple? Pourquoi est-ce que quelqu'un a détruit un si beau temple? And the Bible says, et la Bible dit, when he withdrew and he sat on the rock on the Mount of Olives, lorsqu'il s'est retiré et qu'il s'est assis sur le rocher du mont des Oliviers, then the disciples came up privately to him, privately. Alors les disciples sont venus en privé le voir. And the Bible says, la Bible dit, they understood. Ils ont compris. They received wisdom from him. Ils ont reçu la sagesse venant de lui. So, oh. Ils ont dit, oh. So he is talking about, donc il parle, the signs of the coming of the Messiah. Des signes de la venue du Messie. And the signs of the end of the age. Et les signes de la fin des temps. That is what he's talking about. C'est de ça qu'il est en train de parler. So listen, precious people. Alors écoutez, peuple précieux. When they discovered that, lorsqu'ils ont découvert cela, that was what he was talking about, que c'était de ça qu'il parlait, then they came to him, alors ils sont venus vers lui, privately, en privé. And then they asked, et ils ont demandé, teacher, maître, rabbi, rabbi, Lord, Seigneur, when will this happen? Quand est-ce que ces choses vont arriver? And what will be the signs of your coming? Et quels seront les signes de ta venue? And the signs of the end of the age. Et les signes, your coming and the end of the age. Les signes de la fin des temps. Les signes de ta venue et les signes de la fin des temps. That prophecy. Cette prophétie. That prophecy. Cette prophétie. When Jesus opened his breath to respond to them. Lorsque Jésus a ouvert son souffle pour leur répondre. It became, cela est devenu, the most central prophecy in the entire Bible. Cela est devenu la prophétie la plus centrale de toute la Bible. All the other prophecies of the Bible just revolve around that prophecy. Toutes les autres prophéties de la Bible tournent autour de cette prophétie. This became the most central prophecy, this one. Ceci est devenu la prophétie la plus centrale. Because parce que it is the prophecy which Jesus released. Où c'est la prophétie où Jésus a relâché the signs, les signes of the coming of the Messiah. De la venue du Messie. But, mais, if it is the prophecy of the Lord's ministry, et si c'est la prophétie du ministère du Seigneur, you expect to find it in the four glorious gospels. Là, on va s'attendre à trouver cela dans les quatre évangiles glorieux. Because we normally launch ourselves on the four glorious gospels and preach the Bible. Parce que très souvent, nous nous appuyons sur les quatre évangiles glorieux et nous prêchons l'évangile. Yes. Because the four glorious gospels, that is the ministry of the Lord. Parce que les quatre évangiles glorieux, c'est le ministère du Seigneur. So normally we launch ourselves on the four glorious gospels. Donc très souvent, nous devons normalement nous appuyer sur. We anchor. Oui, nous prenons appui. And then preach the whole Bible. Et maintenant nous prêchons toute la Bible. So I expect to find it in the four glorious gospels. Donc je m'attends à trouver cela dans les quatre évangiles glorieux. Because Jesus said it. Parce que Jésus l'a dit. But when you go to Matthew, mais lorsque vous allez à Matthieu, you find that Matthew saw the significance. Vous allez voir que Matthieu a vu la pertinence. The importance. L'importance. And he recorded it in Matthew 24. Et il a enregistré ça dans Matthieu 24. When you go to Mark, lorsque vous allez dans Marc, Mark saw how important it is. Marc a vu l'importance de cela. And he recorded it in Mark chapter 13. Et il a enregistré ça dans Marc chapitre 13. When you go to Luke, lorsque vous allez dans Luc, Luke saw the gravity of this. Luc a vu la gravité de ceci. And he put it in Luke chapter 21. Et il a mis cela dans Luc chapitre 21. When you move to John, lorsque vous allez dans Jean, you don't find it. Vous ne trouvez pas cela du tout. Why? Pourquoi? Why don't you find it in John? Pourquoi est-ce qu'on ne retrouve pas cela dans Jean? Because the Holy Spirit separated John. Parce que le Saint-Esprit avait séparé Jean. That when Jesus gives the prophecy, pour que lorsque Jésus donne la prophétie, then John is prepared to receive the revelation transcript. Et Jean serait donc préparé à recevoir le transcript de la révélation. That when you read the prophecy, pour que lorsque vous lisez la prophétie, and then you watch your news, et alors vous regardez vos informations, and then you read the transcript, et vous lisez le transcript, then you can understand in real time. Pour que vous puissiez, alors vous pourrez comprendre cela en temps réel. How far we are jusqu'où nous sommes towards the coming of the Messiah. Vers en ce qui concerne la venue du Messie. He did not record it. Il ne l'a pas noté. So that you don't need to go to a theological college to be a pastor. Pour que tu n'aies pas besoin d'aller à une faculté de théologie pour être pasteur. So that you don't need to go to Bible college to be a pastor. Pour que tu n'aies pas besoin d'aller à une école biblique pour être pasteur. That's why people like me can come from medical and preach the gospel. C'est pour ça que les gens comme moi peuvent venir du domaine médical et prêcher l'évangile. Without going to Bible college, sans aller à une école biblique, to be taught about financial management, pour qu'on m'enseigne la gestion des finances, how to run a church like a business, comment gérer une église comme une affaire, une business, so we may come out, pour que nous puissions sortir, and depend on the Holy Spirit, pour que nous puissions sortir et dépendre du Saint-Esprit. He's saying, il dit that the reason John was separated, he left it out. Pourquoi? La raison pour laquelle Jean était séparé, pourquoi Jean a laissé cela en dehors? That he may receive the revelation transcript. C'était pour qu'il reçoive le transcript de la révélation. That Bible interprets Bible. Parce que la Bible interprète la Bible. So you don't need human philosophy. Alors vous n'avez pas besoin de la philosophie humaine. Human theology. La théologie humaine. So you can depend on the Lord. Pour que tu puisses dépendre du Seigneur. Alone. Seul. So in one of the transcripts. Alors dans un des transcripts. We read yesterday. Que nous avons lu hier. We saw in Revelation chapter 6 verses 5 to 6. Nous avons vu dans Apocalypse chapitre 6 verset 5 à 6. We saw the separation of the church. Nous avons vu la séparation de l'église. We saw that when Jesus spoke about the rapture in Matthew 25. Nous avons vu que lorsque Jésus a parlé de l'enlèvement dans Matthieu 25. When he talks about the two churches. Lorsqu'il a parlé, wise and foolish. Lorsqu'il a parlé des deux églises, sage et folle. Then now we saw. Alors là nous voyons. That God the Father. Que Dieu le Père. Also talks about the same oil. Parle aussi du même, de la même huile. The two churches. Les deux églises. One in the soleil. Une dans la désolation. Désolation. Une dans la désolation. And another one in revival of the oil and wine. Et l'autre dans le réveil de l'huile et du vin. Another one in desolation. L'autre dans la désolation. And another one. Et un autre. Is enjoying the oil and wine revival. Se jouit du réveil de l'huile et du vin. Listen to me now. Écoutez-moi maintenant. I want to carry that forward now. Je vais amener cela plus loin maintenant. Hallelujah. Then let us now look at one thing. Alors regardons maintenant une chose. When Isaiah the prophet. Lorsque Isaïe le prophète. Saw this visitation. A vu cette visitation. What is the message to the church in Cameroon? Quel est le message à l'église au Cameroun? What did Isaiah see? Qu'est-ce que Isaïe a vu? What did Isaiah see? Qu'est-ce que Isaïe a vu? When Isaiah the prophet. Lorsque Isaïe le prophète. Saw this visitation. A vu cette visitation. Now. Maintenant. When Isaiah the prophet. Lorsque Isaïe le prophète. Saw this visitation. A vu cette visitation. What did Isaiah see? Qu'est-ce que Isaïe a vu? What did Isaiah see? Alors qu'est-ce que Isaïe a vu? Isaiah 26. Isaïe 26. Isaiah chapter 26. Isaïe chapitre 26. Hallelujah. Amen. Isaiah 26. Isaïe 26. From verse 19. À partir du verset 19. What did Isaiah see? Qu'est-ce que Isaïe a vu? When he saw this visitation. Lorsqu'il a vu cette visitation. Now, Isaiah 26, 19 to 21. Isaïe 26, verset 19 à 21. He says, il dit, but your dead will live, their bodies will rise. You who dwell in the dust, wake up and shout for joy. Your dew is like the dew of the morning, the earth will give birth to her dead. Amen. Que des morts revivent, que mes cadavres se relèvent. Réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière, car ta rosée est une rosée vivifiante, et la terre donnera le jour aux ombres. He says, rosée of the morning, rosée. Il dit, la rosée du matin. Rosé of the morning. La rosée du matin. When Isaiah saw this visitation, quand Isaïe a vu cette visitation, he saw one thing. Il a vu une chose. He saw. Il a vu that the heaven was open. Que le ciel était ouvert. Meaning, signifiant que right now, que maintenant, we are living in the dispensation of the open heaven. Nous vivons dans la dispensation des cieux ouverts. And that means, et cela signifie, the Holy Spirit, le Saint-Esprit, that means, cela signifie, the communication, la communication, between heaven and the church, entre les cieux et l'église, is now open. There is a traffic of information. Est maintenant ouverte. Il y a un flot d'informations. There is traffic of information. Il y a une circulation d'informations. Listen to me. Écoutez-moi. The time, le temps, that Israel feared most. Israël a craint le plus. The time they dreaded most. They feared most. Ils ont craint, ils ont eu le plus peur. And trembled. Et ils ont tremblé. Was the time. Était le moment. When there is what they called. Où il y a ce qu'ils appellent. An awful silence. Un silence terrible. When God was not speaking. Quand Dieu ne parlait pas. The time when God was not speaking. Le temps où Dieu ne parlait pas. That became the most terrible time in Israel. Ce temps est devenu le temps le plus terrible en Israël. Because you don't know. Parce que vous ne savez pas. Are we going on okay or not? Est-ce qu'on va bien ou pas? Let's say for example when you're in a marriage. Vous savez par exemple lorsque vous êtes dans un mariage. In a family. Mais dans une famille. Can you imagine the time when the wife and the husband are not speaking? Vous pouvez imaginer le moment où l'homme et la femme ne se parlent pas. Terrible. The time. Le temps. When the wife and the husband are not speaking to each other. Où la femme et l'homme ne se parlent pas l'un à l'autre. I think that is the most terrible moment in the house. Je crois que c'est le moment le plus terrible dans la maison. The wife is wondering. La femme se demande. What is going on? Qu'est-ce qui se passe? Why is he not talking to me? Pourquoi est-ce qu'il ne me parle pas? And she's like, am I doing well or he's angry? What's going on? Il se demande, est-ce que je vais bien? Est-ce qu'il est fâché? Qu'est-ce qui se passe? Does he love me or he does not love me? Est-ce qu'il m'aime ou alors il ne m'aime pas? He comes back, no talking. Il rentre, il ne parle pas. You are shocked, he has left. Tu es choqué et il est parti. Hey, he has left. Il est parti. Hey. He left without talking to me. Il est parti sans me parler. Are we still friends or not? Sommes-nous toujours amis ou non? Am I doing well or not? Est-ce que je vais bien ou pas? That was the condition of Israel. C'était là la condition d'Israël. And for Isaiah, et pour Isaïe, to see this visitation, de voir cette visitation, and he says that when the visitation comes, et il dit que lorsque la visitation va venir, he says, il dit, it is as fresh as the morning dew. Il dit que c'est aussi frais que la rosée du matin. Fresh, fresh. The morning dew is normally fresh and cold and clear. La rosée du matin est généralement fraîche, froid et clair. Ah! As fresh as the morning dew. Aussi frais que la rosée du matin. And Isaiah says. Et Isaïe dit. That when that morning dew comes. Que lorsque cette rosée du matin vient. He says. Il dit. Shout for joy. Il dit que criez de joie. For your dew is like the dew of the morning. Parce que votre rosée est comme la rosée du matin. He says. Shout for joy. Il dit criez de joie. Meaning. Signifiant que. It will bring revival. Que ça va venir avec vous, apporter le réveil. Did you understand? Est-ce que vous comprenez? For Isaiah to see that. Pour que Isaïe pour avoir vu ceci. That means Isaiah also saw the dispensation of the closed heaven. Ça veut dire qu'il a aussi vu la dispensation des cieux fermés. Did you understand? Est-ce que vous comprenez? Oh yes. Oh. That's why. C'est pourquoi. He says. Il dit. That when finally heaven opens. Que finalement lorsque les cieux s'ouvrent. There is joy unspeakable. Il y a une joie inexprimable. Celebration. La célébration. Meaning. Signifiant que. They have been thirsty. Qu'ils avaient soif. They have been waiting. Qu'ils attendaient. Anticipating. Ils anticipaient. Good morning, Cameroon. Bonjour, Cameroun. There is a word. Il y a une parole. That is coming into the church. Qui est en train de venir dans l'église. And renewing the hearts of men. Et renouvelant le cœur des hommes. And women. Et des femmes. And children. Et des enfants. And the priests. Et des sacrificateurs. And the house. Et la maison. The heart of the church. La maison. It is a mighty word. C'est une pure parole puissante. He's saying. Elle dit. That for Isaiah. Que pour Isaïe, to see, de voir, that when that heaven opens, que lorsque ces cieux s'ouvrent, there would be joy unspeakable. Il y aura la joie inexprimable. Célébration. La célébration. Jubilation. La jubilation. Jubilation. Jubilation. Félicitations. Félicitations. For Isaiah to see that. Pour qu'Isaïe ait vu cela. He must have seen the other side. Il devait avoir certainement vu l'autre côté. Because you hear Isaiah literally announcing this. Parce que vous entendez Isaïe littéralement être en train d'annoncer ceci. But why did Isaiah say that morning dew? Pourquoi Isaïe a appelé cela la rosée du matin? Isaiah calls this visitation the morning dew. Isaïe appelle cette visitation la rosée du matin. And Isaiah et Isaïe allocates the purpose of the visitation. Attribue le but de cette visitation. But listen to this. Mais écoutez ceci. Before he allocates, avant qu'il attribue cela, he calls it the morning dew. Il appelle cela la rosée du matin. In other versions of the Bible, dans d'autres versions de la Bible, they call it morning mist. Ils disent, ils appellent cela la moisissure du matin. You and I, vous et moi, Cameroon and me, le Cameroun et moi, we know, nous savons, that the morning dew, que la rosée du matin, in a place like Douala, dans un endroit comme Douala, it is short-lived. Ça ne peut pas mettre long. Because, parce que, it will appear in the evening, parce que ça va apparaître le soir, when you are sitting down by the grass, lorsque vous asseyez sur les herbes, in the evening, le soir, and when you wake up, oh, my clothes are wet, lorsque vous levez-vous, dites, oh, mes habits sont mouillés, so the dew has come. Donc la rosée est venue. In the evening, le soir, the morning dew, la rosée du matin, comes in the evening, vient le soir, to prepare for the morning, pour préparer le matin. And so, et alors, 9 p.m., 21h, 10 p.m., 22h, 11, 11 p.m., jusqu'à 23h, you find it has arrived. Vous voyez que c'est arrivé. And yet you and I, et alors toi et moi, we know that the morning does not come, mais nous savons que le matin ne vient pas, until midnight, jusqu'à ce qu'il soit minuit. So look at this now. Alors regardez ceci maintenant. Isaiah is trying to tell us something about this visitation. Isaïe essaie de nous dire quelque chose à propos de cette visitation. He said, "Hey Douala." Il dit, "Hey Douala." "Hey church in Cameroon." "Hey église du Cameroun." "Be careful." Faites attention. This visitation. Cette visitation. Is humongous. Historic. Au milieu de nous. Enormous. Historique. Énorme. This visitation, cette visitation, is powerful, est puissante, beautiful, belle. But look, mais regardez, be careful, faites attention. It is short-lived, ça ne mettra pas long. Very short-lived, ça a une courte période de temps. Very, very short-lived, ça ne mettra pas du tout long. Did you understand me now? Est-ce que vous comprenez maintenant? That means, cela signifie, he's saying, you need to understand the purpose of this visitation so you can catch it and use it now before it's too late. Il est en train de dire, vous devez comprendre le but de cette visitation pour que vous puissiez saisir cela et utiliser maintenant avant qu'il ne se fasse tard. The morning dew, la rosée du matin, when you see it on the leaves, quand vous voyez cela sur les feuilles, is fresh, c'est frais, clear, clair, and cold, et froid. You want to drink it. You want to drink it. Vous avez envie de boire cela. That's how fresh it is. Voilà comment combien c'est frais. But he's saying, il dit, that when the morning comes, que lorsque le matin vient, the temperature comes, la température vient, you'll be shocked has gone. Vous allez rendre compte, choqué qui est parti. So Isaiah goes ahead to give the purpose. Alors Isaïe va continuer pour donner le but. When Isaiah sees the coming of the morning dew, lorsque Isaïe voit la venue de la rosée du matin, Isaiah also sees the rapture of the church. Isaïe voit aussi l'enlèvement de l'église. Bonjour, mes amis. Good morning, my friends. This is powerful gospel. Ça, c'est l'évangile puissant. There is no time to preach money. What? Where is time? Il n'y a pas le temps pour prêcher. On n'a pas le temps. You people, you don't understand the beauty of serving God in holiness. The satisfaction. Vous ne comprenez pas que la beauté de quelque chose dans la sainteté. The satisfaction. La satisfaction. Of serving God in holiness, of preparing the church. De servir Dieu dans la sainteté, de préparer l'église. When you finish. Quand tu finis. And you go back to your house. Et tu retournes chez toi. You say, Lord, I did it perfectly. Tu dis, oh Seigneur, je l'ai fait parfaitement. Even you know you did it perfectly. Même toi, tu sais que tu l'as fait parfaitement. It is beautiful to serve the Lord in perfection. C'est beau de servir le Seigneur dans la perfection. He says this. Il dit ceci. He says. Il dit. When I say the Mount of Olives prophecy. Lorsque j'ai parlé de la prophétie du Mont des Oliviers. Olivet prophecy. Ou la prophétie des Oliviers. He says. Il dit. Everything must be brought down, even no stone will be left on another. Que tout doit être renversé et il n'y aura pas pierre sur pierre. And he says. Il dit, be careful. Faites attention. That nobody deceives you. Que personne ne vous trompe. Because many will come in my name. Parce que beaucoup vont venir en mon nom. And deceive many. Et ils vont vous séduire. Ils vont séduire beaucoup. They will even say, I am the Christ. Ils vont même dire que je suis le Christ. But you wonder. Mais tu te demandes. These are the disciples of Christ. Mais ça, c'est privately, they came to him. Les disciples de Christ qui sont venus en privé. How can somebody lie to them that he is the Christ? They know the Christ. They know his message. They know his voice. They know his position on sin. Comment quelqu'un peut leur mentir qu'il est le Christ? Puisqu'ils le connaissent. Ils connaissent sa position. Ils connaissent sa parole. They know his position on sin. Ils connaissent sa position sur le péché. They even know his voice. Ils connaissent même sa voix. How can somebody come and tell them he is the Christ? Comment quelqu'un peut venir leur dire qu'il est le Christ? Cameroon. I have begun to come to Cameroon. J'ai commencé à venir au Cameroun. Listen to me. Écoutez-moi. How can they say, how can he tell them that somebody will come and lie to them on the message of the Christ? Comment est-ce qu'il peut dire que quelqu'un va venir et leur mentir au sujet du message du Christ? And also lie on the person, the identity of Christ. Et leur mentir aussi sur la personne, sur l'identité du Christ. But when you look at the church today, mais quand vous regardez à l'église aujourd'hui, the house has really been brought down, huh? La maison a été vraiment écrasée, n'est-ce pas? Right? N'est-ce pas? Until you have homosexuals in the house, huh? Jusqu'à ce qu'il y ait des homosexuels dans la maison, n'est-ce pas? Until in Cameroon, jusqu'à ce qu'au Cameroun, if you're looking for a good girl to marry, you go to church. Si tu cherches une belle femme pour épouser, il faut aller à l'église. They don't go to worship. Ils ne partent pas à l'adoration. They go look for a woman there. Ils partent y chercher des femmes. The house has really fallen, eh? La maison s'est réellement écroulée, n'est-ce pas? I don't have time to preach that gospel. Je n'ai pas le temps de prêcher cet évangile. The prophecy of the four horsemen of the apocalypse. La prophétie des quatre chevaliers de l'apocalypse. But when you look at the church in Cameroon. Mais lorsque tu regardes l'église au Cameroun. Oh, you don't know. Vous ne savez they pas. Can come to you. Ils peuvent venir vers vous. And say, Pastor. Et dire, Pasteur. Now this money that you have. Que cet argent que tu as. I need just $1 million. J'ai besoin juste $1 million. You give it to me, I will go print it for you. Vous pouvez me donner cela et je vais aller reproduire cela pour vous. And produce 10 million. Et je vais produire 10 millions. That is how bad it is in the church. C'est juste, je vous montre là jusqu'où c'est grave dans l'église. Très grand. Très grave. He went down. Ça s'est retourné. Down. C'est down. Vraiment tombé. Down. Tombé. And no stone is left on another. Et il n'y a aucune pierre qui soit sur une autre. You understand? Comprenez. But Isaiah, mais Isaïe, when Isaiah sees this visitation, quand Isaïe voit cette visitation, he also sees the purpose. Il voit aussi le but. Let me describe this vision. Alors permettez-moi d'écrire cette vision. I'm describing this vision. Je décris cette vision. The vision of May 4th, May 5th, and May 7th. La vision du 4. Du 5 et du 7 mai 2013. Can I describe it? Est-ce que je peux décrire cela? Listen to this now. Écoutez ceci maintenant. In that vision, dans cette vision, the Lord again showed me this visitation, how he was coming down. Le Seigneur m'a remontré cette visitation, comment elle descendait. This is now May. This is May. Maintenant nous sommes en mai. And this was happening in January 1, December 31st, January 1. Ceci se produisait la nuit du 31 décembre au 1er janvier. So after 5 months. Donc après 5 mois. Now May 4th. Dans le 4 mai. May 5th. Le 5 mai. He jumped 6th, then May 7th. Et il a sauté 6 et il allait au 7 mai. Can I describe this? Est-ce que je peux décrire ceci? I see again the glory coming down. I see the Lord himself descending in this very cloud. Je vois la gloire. Je vois le Seigneur lui-même descendre dans ce même nuage. But what happens is this. Mais voici ce qui se passe. When this cloud touches down, quand ce nuage touche le sol, then every surface of the earth becomes like snow has fallen. Toute la surface de la terre est devenue comme si le nuage était tombé, la neige. The surface of the earth, la surface de la terre, when the glory touches down, lorsque la gloire a touché le sol, becomes like very heavy snow, white. Pure glorious snow has fallen on the earth, even the roads. You see the grass in the road. Ça devient the grass road like this, even like that, over the earth. Ça devient comme si une épaisse neige, pure, blanche, glorieuse, était tombée et couvrait la terre, et on pouvait voir même les dénivellations où il y avait des arbres. Even the road, where there is a place like this, and then the road like that, you also see that. Là où, sur la route même, où on peut voir une petite dénivellation, on peut aussi percevoir cela. And I can hear the sound of the glory. Et je peux entendre le son de la gloire. I hear as if there's a hissing sound of holy glory. J'entends comme un sifflement du son de la gloire sainte. I can hear that. Je peux entendre cela. And then I woke up. Et alors je me suis réveillé. The second day, le deuxième jour, May 5th, le 5 mai, the Lord came back again to speak with me about this visitation. Le Seigneur est revenu encore me parler de cette visitation. And then the glory came down. Et alors la gloire est descendue. And when the glory came down, et lorsque la gloire est descendue, look at what happened this time. Regardez ce qui s'est passé cette fois-ci. This time, cette fois-ci, when he touched down, lorsque ça a touché le sol, and the glory covered everywhere again, glorious, the whole surface. Et la gloire a couvert partout, toute la surface. But look at this now. Alors regardez ceci maintenant. But when I looked at the glory, mais lorsque j'ai regardé à la gloire, I realized that it was more glorious than yesterday. J'ai vu que c'était encore plus glorieux que la veille. But when I looked up towards the glory, mais lorsque j'ai regardé vers le haut sur la gloire, and he is very huge. Et il est très grand. Then I saw another one like that on that one. Alors j'ai vu un autre comme celui-ci sur celui-là. So I was shocked. Another one on top like that. Also like a tornado like that. Et j'étais choqué. Je vois un autre au-dessus, un peu comme un tornado comme ça. Then I saw another one again. Alors j'ai vu encore un autre. It was like a storied building. C'était comme une maison en étage. When I checked, lorsque j'ai vérifié, I found that it connected into heaven. J'ai vu que ça se connectait au ciel. And then all of a sudden, alors soudainement, everybody look at this now. Tout le monde regarde ceci. All of a sudden, soudainement, then the glory lifted from the earth. La gloire s'est levée de la terre. And the Lord opened my eyes further. Et le Seigneur a ouvert mes yeux plus loin. When I looked into the glory, lorsque j'ai regardé à l'intérieur de la gloire, I saw people in their glorious bodies being taken away. J'ai vu des gens dans leur corps glorieux en train d'être enlevés. So do you understand what this is all about? Alors vous comprenez de quoi ceci parle? Do you understand? Est-ce que vous comprenez? Isaiah saw the purpose. Isaïe a vu le but. The purpose of this visitation. Le but de cette visitation. And he said, et il dit, your dead will live. Que vos morts vont revivre. Isaiah saw the rapture of the church. Isaïe a vu l'enlèvement de l'église. He saw, il a vu, the rapture of the dead church. Il a vu l'enlèvement de l'église. Now, maintenant, when the Lord was calling me, quand le Seigneur m'appelait, look at one of the visitations when he came to call me. Regardez, à l'une des visitations, il est venu m'appeler. He lifted me up. Il m'a levé du sol. And I found myself in the throne room of God in heaven. Je me suis retrouvé dans la chambre du trône de Dieu dans le ciel. The throne room. La chambre du trône. Very good. Now look at this now. Maintenant regardez ceci. When I was there, lorsque j'y étais, then, alors, the two cherubim of glory, deux chérubins, those cherubim de gloria, les chérubins de gloire, glorious cherubim, les chérubins glorieux, wow, the two cherubim of glory, il y avait les deux chérubins de gloire, they brought the ark of the new covenant of the Lord. Ils sont venus avec l'arche de la nouvelle alliance de Dieu. And they brought and placed it at the throne position. Et ils ont posé cela à la position du trône. But one thing I can say, mais ce que je veux, une chose que je peux dire, he that was speaking with me, standing next to me here, celui qui parlait avec moi qui était placé là à côté, the one that was instructing me on what is going on, celui qui me donne les instructions sur ce qui se passait, I asked him, je lui ai demandé, why are the two cherubim of glory, pourquoi est-ce que les deux chérubins de gloire, walking with their heads bowed, pourquoi est-ce qu'ils marchent avec leur visage prosterné, carrying the ark like that, portant l'arche de cette façon-là? Why? Pourquoi? Now listen to this now. Alors écoutez ceci maintenant. So they were walking, bowing their heads. Ils marchaient avec leur tête baissée. As they carried the ark of the new covenant of the Lord. Pendant qu'ils portaient l'arche de la nouvelle alliance du Seigneur. And then they placed on the throne position. Ils ont posé ça sur la position du trône. Then I asked he that was talking with me here. Et je lui ai demandé, celui qui parlait à moi ici. I asked him, why are they walking like that? Et je lui ai demandé, pourquoi est-ce qu'ils marchent comme ça? Then he told me. Et là, il m'a dit, because the place where they stay. Parce que l'endroit où ils sont is the most holy place. Est l'endroit le plus saint. Can we move on? Est-ce qu'on peut continuer? Now listen. Alors écoutez. So, when the two cherubim, quand les deux chérubins, placed the ark of God at that position, ont placé l'arche de Dieu à cette position, then, alors, from where I was facing the ark, à partir de là où je faisais face à la terre, the two cherubim, I can tell you today, les deux chérubins de gloire, I can tell you today, je peux vous dire aujourd'hui, they may look the same, ils peuvent avoir l'air d'être identiques, but they have two different functions. Mais ils ont deux fonctions totalement différentes. It is the cherubim on this side. Il y a le chérubin de ce côté. When I'm facing the chest of the ark, lorsque je regarde l'arc, the one on my right here, celui à ma droite ici, after they put the ark of God down, lorsqu'ils ont mis l'arche de Dieu par terre, then he crosses to this side, alors il traverse de ce côté, and he peels the chest, he peels a strip like this from the chest of the ark of God. Et il enlève comme la peau sur a strip, une bande. He peels like this. Il enlève. Hallelujah. And there is a scripture that is written there. Et il y a un passage qui est écrit là-bas. On the ark of the new covenant. Sur l'arche de la nouvelle alliance de Dieu. And ever since then. Et depuis ce temps-là. Many, many years going around the world. Depuis toutes ces années que je fais le tour du monde. The Lord has never ever allowed me to release that scripture, even to tell somebody what it is. Le Seigneur ne m'a jamais permis de relâcher cette écriture, même dire à quelqu'un ce que c'est. But the two cherubim have different functions. Mais les deux chérubins avaient des fonctions différentes. So this, and then he goes back here. Alors, il vient, il retourne ici. And then, et alors, when they moved, quand ils se sont déplacés, slightly back, un peu en arrière, I'm now sharing very, too much, I think. Je me dis peut-être je partage déjà trop. They say no, it's not too much. Il dit c'est pas trop. But now listen to this now. Alors écoutez ceci maintenant. When they move slightly back, quand ils ont reculé un peu, the two cherubim, les deux chérubins, there is this golden walkway, golden. Il y a ce passage. I am sharing the secrets of the throne room of God to the church today. Je partage les secrets de la chambre. It is not for me, it is for you. Au peuple de Dieu. C'est pas pour moi, c'est pour vous. C'est pour ça que je dois vous le donner. But listen to this. Mais écoutez ceci. When they were walking like this, they were walking by a golden walkway. Quand ils marchaient par un passage doré. And that golden walkway has one major wide walkway and two strips at the side. Et ce passage doré avait une bande majeure principale en blanc. Principal, which is wide, qui est large, and the two strips which are the same. Et deux autres bandes à côté qui sont identiques. The wider part has a richer yellowish gold. La partie la plus large avait de l'or plus riche et jaunâtre. The two strips have rich, very, very rich reddish brown gold. Et les deux autres bandes avaient de l'or très enrichi, mais de couleur marron. Today, I am deciding to release this to this church. Aujourd'hui, je décide de relâcher cela. That you may grow up and know that time has changed. Que vous puissiez croître et savoir que les temps ont changé. But listen to this now. Mais écoutez ceci maintenant. When they move slightly behind. Donc quand ils ont reculé légèrement. Then he that was speaking with me. Donc celui-là qui parlait avec moi. Asks me to kneel down and pray. Et m'a dit de me mettre à genoux et de prier. So I kneel down and pray. Donc je me suis mis à genoux et j'ai prié. When I kneel down just by the side of the golden walkway. Quand je me suis mis à genoux juste à côté de ce passage doré. Then when I lift up my head. Donc lorsque j'ai levé ma tête. As I'm looking at the ark of the new covenant of the Lord. Lorsque je regarde à l'arche de la nouvelle alliance du Seigneur. Then on this side. Alors de ce when côté. When I'm facing on this side. Lorsque je fais face ce côté. Right next to the mercy seat. Juste à côté du siège de miséricorde. I see Moses, the man of God, sitting there. J'ai vu Moïse, l'homme de Dieu, assis là. Next, the immediate next to the mercy seat. Juste à côté du pas ici. Here. Mais là. Moses is sitting right next to the mercy seat. Moïse est assis juste à côté du siège de la miséricorde. And his garment has larger blue stripes. Can I share more or what? Et son vêtement. Can I share more to the church? Est-ce que je peux partager plus? Okay, his garment has larger. The stripes are larger, running down bluish stripes, white but bluish stripes. Son vêtement a comme des bandes, des grosses bandes bleuâtres. Next to Moses. À côté de Moïse. Right next to him there. Juste à côté de lui. Same side. Du même côté. I see Elijah, the prophet of the Lord, sitting there. J'ai vu Élie, le prophète de Dieu, assis là. But on this side. Mais de ce côté. On this side of the mercy seat. De ce côté du siège de la miséricorde. I see Daniel, the terrible prophet of the Lord, sitting alone on this side. J'ai vu Daniel, le prophète terrible de Dieu, assis là-bas tout seul. The one the lions could not eat. Celui que les lions n'ont pas pu manger. I see him sitting alone this way. Je l'ai vu assis seul de ce côté. And then, et alors, the glory of the Lord comes. La gloire de Dieu vient. This exact glory, this cloud, cette même gloire, ce nuage, comes on the golden walkway, est venu sur ce passage doré, and the glory comes, et la gloire vient de cette façon, like this, de cette façon, on the walkway like this, sur ce chemin comme ça, tourbillonnant. Yes, very good. So. The glory, the cloud, the very cloud, this particular cloud, this very cloud, même nuage comes, est venu de cette façon-là. From the walkway like this, the golden. Et ça venait de cette façon-là. And reaching the ark of the covenant. Et au niveau de l'arche de l'alliance. Then he climbed. Et s'est monté. On the mercy seat. Sur le siège de la miséricorde. And he goes up, he really become big. Eh? Et s'est monté, c'est devenu très grand. De cette façon-là. Then he opens there and does something to me which I cannot share with you people. Et il s'ouvre là-bas et me fait quelque chose que je ne peux pas partager avec vous. But then, et alors, he speaks now. Il parle maintenant. Then he says, et alors il dit, today, aujourd'hui, I have my four prophets here. J'ai mes quatre prophètes ici. And you are the fourth prophet. Et il dit, tu es le quatrième prophète. And my bed, et mon lit, physically shaped like this, boo. Ça a physiquement tremblé comme ça. And he says, et il dit, and power has been given to you. La puissance t'a été donnée. And when I wake up, et lorsque je me suis réveillé, And look at the clock by my side, the bedside. Et j'ai regardé l'horloge à côté de moi. Then I find it's 3:26 a.m. in the morning. J'ai vu qu'il était 3:26 dans le matin. Why have I brought that in? Pourquoi est-ce que je vous ai donné cela? Listen to me. Écoutez-moi. Ever since then, depuis ce temps-là, at first I did not understand properly. Avant, je ne comprenais pas très bien. But, mais, I remember when I woke up. Je me souviens lorsque je me suis réveillé. I began to know everything going to happen in the future. J'ai commencé à savoir tout ce qui allait se passer dans le futur. Then I understood what that power was all about. Alors j'ai compris de quoi cette puissance renvoyait. I understood. J'ai compris. That power was for preparing the church. J'ai compris que cette puissance était pour préparer l'église. It was not for Hollywood show. Ce n'était pas pour le show de Hollywood. Or Bollywood for Bombay. Ou alors de Bollywood. Or Nollywood for Nigeria. Ou bien Nollywood de Nigeria, de Nigeria. It was not for Hollywood or Bollywood or Nollywood. Ce n'était ni pour Hollywood, ni pour Bollywood, ni pour Nollywood. It was for preparing the bride of Christ. C'était pour préparer l'épouse de Christ. Why do I bring it in? Pourquoi est-ce que je parle de cela? Because from that day on, parce que depuis ce jour-là, the Lord began to do things around me. Dieu a commencé à faire des choses autour de moi. Related to these servants. Lié à ces serviteurs. Even this visitation, même cette visitation, is related to a certain servant. Est liée à un certain serviteur. I know that in another visitation, je sais que dans une autre visitation, he came and presented the rod. He gave me the rod. Il est venu et il a présenté. Can I talk to the church? Est-ce que je peux parler à l'église? Is the church mature here? Est-ce que l'église est mûre ici? Or you're saying you are hurting us too much. Ou dis-tu nous aide trop? I know in another visitation at night, he presented the rod like this. Je sais que dans une autre visitation la nuit, il a présenté un bâton comme ça. And he said, you can now use it. Et il a dit, maintenant tu peux l'utiliser. And I remember that was 2003. Et je me souviens, c'était en 2003. And I remember from where I was in the Western Hemisphere. Et je sais d'où j'étais dans l'hémisphère ouest. I took the rod. J'ai pris le bâton. From there. De là. And I struck the Indian Ocean. Et j'ai frappé l'océan Indien. And I saw a tremendous earthquake. Et j'ai vu un énorme tremblement de terre hit the ocean. Qui a touché l'océan. And I saw high speed floods high like high rise buildings. Et j'ai vu des grandes vagues d'eau très hautes. That time I had never heard the word tsunami. Dans ce temps-là, je n'avais jamais entendu le mot tsunami. And I began to give the prophecy of the first Asian tsunami. Et j'ai commencé à donner la prophétie du premier tsunami. Why do I share these things? Pourquoi est-ce que je partage ces choses? Because he also showed me. Parce qu'il m'a aussi montré. Almost of the dreams of Daniel. La plupart, sinon tous les rêves de Daniel. And that's why I want to share, then I connect you to Isaiah 26. C'est pour ça que je veux partager et connecter cela à Isaïe 26. Can I share that dream? Est-ce qu'il peut partager ce rêve-là? Look at this now. Regardez ceci maintenant. It was about 5 a.m. in the morning. C'était vers 5 heures du matin. When all of a sudden, où soudainement, the Lord lifted me up above the earth. Le Seigneur m'a élevé au-dessus de la terre. In a mighty visitation of Jehovah. Dans une puissante visitation de Jéhovah. And I saw the earth. From above the earth, I could see the earth. Et de cette hauteur, je pouvais voir la terre. But when I looked at the surface of the earth, mais lorsque j'ai regardé la surface de la terre, I thought there was a massive earthquake has hit the earth. J'ai vu comme si un tremblement de terre massif avait frappé la terre. Temblor, terremoto, whatever. Big earthquake. Un grand tremblement de terre. Hit the earth. Qui a frappé la terre. Why? Pourquoi? Because I saw the surface of the earth moving and the rocks jumping like this. Parce que j'ai vu la surface de la terre trembler et les pierres qui sautaient comme ça. And the dust from the surface also coming. The earth surface moving like this. Et la poussière aussi de la surface qui tourbillonnait. After a while, après un moment, then I realized this was not an earthquake. J'ai réalisé que ceci n'était pas un tremblement de terre. Because I saw, parce que j'ai vu, the glory of the Lord, la gloire du Seigneur, was the one that had hit the earth. C'était ça qui avait plutôt frappé la terre. So I could see from where the Lord was and the glory came from. Et se pouvait donc voir là où le Seigneur était et d'où la gloire est venue. And the glory hit the earth. Et la gloire a frappé la terre. And when the glory hit the earth, et lorsque la gloire a frappé la terre, this is what I saw. Voici ce que j'ai vu. When the glory hit the earth, lorsque la gloire a frappé la terre, and there was that shaking on the earth, et il y avait ce tremblement sur la terre, the Lord opened my eyes, le Seigneur a ouvert mes yeux, so I could see, pour que je puisse voir, I saw people in their glorious bodies, j'ai vu les gens dans leur corps glorieux, I saw people in their glorious bodies, j'ai vu les gens dans leur corps glorieux, leaving the earth, quittant la terre, leaving their tombs, sortant de leur tombe, glorious bodies, des corps glorieux. And look at this now. Et regardez ceci maintenant. As they came out of the tombs, lorsqu'ils sont sortis de leur tombeau, the glory, la gloire, was mixed with the dust. La gloire était mélangée à la poussière. Everybody focus on me now. Tout le monde concentrez-vous sur moi maintenant. As they just came out, aussitôt qu'ils sont sortis, the glory that hit them, la gloire qui les a frappés. And by the way, it is the glory that pulls them from the tomb. En passant, c'est la gloire qui les extrayait de leur tombe. By the way, en passant, it is the glory of the Lord that hits the earth and pulls them from the tomb. C'est la gloire de Dieu qui les a frappés et les a extraits de leur tombe. And as they came out, et comme quand ils sont sortis, the glory was mixed with the dust. La gloire était mélangée avec la poussière. But the more they went towards the Lord's glory, mais de plus ils montaient vers la gloire de Dieu, the more they went into the pure glory of God, de plus ils exaltaient la gloire pure de Dieu. And I saw heaven open, et j'ai vu les cieux s'ouvrir, and they combined with the Lord there, et se sont combinés avec le Seigneur and là-bas, the cloud came and covered them in. Et le nuage est venu les couvrir à l'intérieur. And the voice spoke, et une voix a parlé from heaven, à partir du ciel. What did the voice say? Qu'est-ce que la voix dit? Listen what the voice say. Écoutez ce que la voix dit. The voice said, la voix dit, and the majority of them, et la majorité d'entre eux, have remained in the dust of the earth, sont restés dans la poussière de la terre. Then I saw, et alors j'ai vu, even on the earth, même sur la terre, as they were being taken, pendant qu'ils étaient en train de I know the exact corner of the earth. Je sais exactement le coin du monde. I know quite a bit of details. Je connais assez de détails. Even the exact corner of the earth where they are all pulled to and then taken. Même le coin exact the de la exact terre corner, où ils ont été attirés pour the être exact part of the earth above that part. La partie exacte de la terre. Prepare the way the Messiah is coming. Préparez le chemin, le Messie vient. So Isaiah, donc Isaïe, when Isaiah sees this visitation, quand Isaïe voit cette visitation, Isaiah also sees the rapture of the church. Isaïe voit aussi l'enlèvement de l'église. But Isaiah sees, mais Isaïe voit, the segment of the rapture of the dead. Le segment de l'enlèvement du jour. Let us walk step by step. Allons-y pas à pas. 1 Thessalonians chapter 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4. So we may understand the message of Isaiah. Pour que nous puissions comprendre le message d'Isaïe. The message Isaiah brings to the church. Le message qu'Isaïe apporte à l'église. When he sees this visitation. Lorsqu'il voit cette visitation. What a glorious day in Cameroon. Quel jour glorieux au Cameroun. That when you leave this place, pour que quand vous allez partir de ce lieu, you may be able, vous serez capable, to enter the kingdom, d'être entré dans le royaume de Dieu. So even you will change. Donc vous aussi vous allez changer. You will find that you cannot wear certain clothes again. Vous allez vous rendre compte, vous ne pouvez plus mettre certains habits. 1 Thessalonians chapter 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Verses 16 and 17. Versets 16 et 17. 1 Thessalonians. 1 Thessaloniciens. Chapter 4, chapitre 4, 16 and 17. 16 et 17. For the Lord himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God, and the dead in Christ will rise first. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Verse 17. After that, we who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and we will be with the Lord forever. forever. Verset 17. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Therefore, encourage yourselves with these words. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Consolez. Consolez. Hey, listen to me, somebody. Écoutez-moi. Very carefully. Très attentivement. This is the mechanistics. Voilà les mécanismes. Mechanisms. Les mécanismes. Of the rapture of the church. De l'enlèvement de l'église. He said. Il dit. And the Lord himself will come down. Le Seigneur lui-même descendra. There will be a voice. Il y aura une voix. There will be a command. Il y aura un commandement. There will be a trumpet. Il y aura une trompette. I have heard them all. Je les ai tous entendus. I know every word that will be spoken. Je connais chaque parole qui sera prononcée. So, he that speaks with you, donc celui qui parle avec vous, has seen that day. A vu ce jour-là. So when I tell you this, donc quand je vous dis ceci, that means I am prophesying. Cela veut dire que je suis en train de that prophétiser. That day, que ce jour, will for sure come to pass. Va certainement arriver. Then you will say. Et vous direz, wow, wow. Now I understand. Maintenant je comprends. Now I understand what he was talking about. Maintenant je comprends ce qu'il racontait. I don't want to believe that is you going to say that. Je ne veux pas croire que tu seras celui qui va aller dire ça. So the mechanism of rapture has the resurrection of the dead first. Donc le mécanisme de l'enlèvement parle de la résurrection des morts premièrement. The resurrection of the dead first. La résurrection des morts premièrement. And then, et ensuite, after that, après cela, those living Christians, des chrétiens vivants, the Christians that are alive, les chrétiens qui sont vivants, will be able to be translated. Seront capables d'être transportés. The dead will resurrect. Les morts vont ressusciter. The Bible says they will be awoken from sleep. La Bible dit qu'ils seront réveillés du sommeil. And when they wake up, they will have new, eternal, glorious, heavenly bodies. Lorsqu'ils vont se réveiller, ils auront des corps éternels, glorieux, nouveaux. They will have new, ils vont avoir un corps nouveau, eternal, éternel, glorious, glorieux, celestial, heavenly bodies, céleste, un corps céleste. After that, après cela, then the Christians who will be alive, les chrétiens qui seront debout, will be translated, vont être transportés, into glorious bodies, dans la gloire, les corps glorieux, and then we will meet the Lord and the raptured dead together there. Et nous allons rencontrer le Seigneur et les morts enlevés là-bas. Ensemble. Let me say this. Que je dis ceci. Then you will meet them there. Et vous allez les voir rencontrer là-bas. Because for me, I have seen the earth after the rapture. I've seen some work on the earth. Parce que moi, je vois encore du travail sur la terre après l'enlèvement. After the rapture. Après l'enlèvement. Good morning, Cameroon. Bonjour, le Cameroun. this country. Ce pays. But, mais, Isaiah sees, Isaïe voit, that when the glory comes, this rapture takes place. Que lorsque la gloire vient, cet enlèvement se produit. But this is a vision. When the Lord showed me, I found out that he had shown Daniel the prophet. Voilà la vision que lorsque le Seigneur m'a montré, j'ai découvert qu'il avait aussi montré à Daniel le prophète. This is a very deep message I'm giving you today. Ça c'est un message très profond. Very, very deep. This one is very deep. Celui-ci est très profond. We only read Isaiah 26 verse 19. Nous n'avons lu que Isaïe 26 verset 19. We are yet to read verse 20 and 21. Nous allons so we may get the message of this glory. What is the message of the visitation? Pour que nous puissions saisir le message de cette gloire. Quel est le message de la visitation? But now I have connected you to the conversation, to the calling, how the Lord called me, and also to the conversation with Daniel. Et maintenant, je vous ai connecté à la conversation de comment Dieu m'a appelé, et aussi avec la conversation avec Daniel. This is the sermon of your lifetime. Voici le sermon de toute votre vie. Let us see what did Daniel see. Voyons ce que Daniel avait vu. That we may understand what Isaiah was saying. Pour que nous puissions comprendre ce que Isaïe disait. Daniel recorded it in Daniel chapter 12. Daniel a enregistré ça dans Daniel chapitre 12. Daniel chapter 12. Daniel chapitre 12. We are beginning from verse 1. Nous commençons verset 1. Let's see what Daniel saw. Voyons ce que Daniel a vu. Can we read Daniel 12 verse 1? On peut lire Daniel 12 verset 1. At that time, Michael the great prince who protects your people will arise. There will be a time of distress such as has not happened from the beginning of nations until then. But at that time, your people, everyone whose name is found written in the book, will be delivered. En ce temps-là se levera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse, tel qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. I am hoping that you are mature people. J'espère que vous êtes un peuple mûr. And you know that Daniel is the end-time prophet of God. Et vous savez que Daniel est le prophète de la temps, des temps de fin. If you did not know, si vous ne saviez pas, Daniel is the end-time prophet of the Lord. Daniel est le prophète de Dieu pour la fin des temps. And Daniel, et Daniel was seeing these days, il voyait ces jours, from then, à partir de ce temps-là. J'espère que l'église est à ce niveau basique. Those of you, my young daughters and sons, if you do not know, that is the truth. Vous, mes jeunes enfants, fils et filles, si vous ne saviez pas, voilà ça. Daniel is the end-time prophet of the Lord. Daniel est le prophète de Dieu pour la fin des temps. And a very mighty one. Dans une manière très puissante. And so he was seeing the distress from then, the distress that you see commencer, beginning now. Alors il voyait la détresse qui commence maintenant. Il voyait ça à partir de ce temps-là. From then. De ce temps-là. But before I go to the scripture, we need verse 2. Mais avant que nous allons à l'écriture au verset 2. Focus on me now. Concentrez-vous sur moi maintenant. Daniel sees something I must mention to you. Daniel voit quelque chose que je vous ai dit. He sees some people. Il voit certaines personnes. That the Lord calls my people. Que Dieu appelle mon peuple. My people. Mon peuple. He sees some people the Lord calls your people, his people. Il voit certaines personnes que Dieu va appeler. He sees the elect of God. Il voit les élus de Dieu. And then Daniel sees the book. Et alors Daniel voit le livre. And Daniel sees that everybody whose name is found written in the book. Daniel voit que toute personne dont le nom est trouvé inscrit dans le livre will be delivered. Sera sauvée. Make sure you catch that. Rassurez-vous que vous saisissiez cela. That is very central because I have taught a 9-hour message on the My People Church. C'est très important parce que j'ai un message où j'enseigne pendant 9 heures de temps sur l'église Mon Peuple. I discipled almost, I don't know, 10,000 how many pastors in Kenya. And they began to teach, to prepare a people unto the Lord. Et j'ai pu, à travers cela, susciter, je ne sais pas, ça fait 10 000 ou combien de pasteurs au Kenya, pour qu'ils commencent à préparer un peuple pour le Seigneur. Now, what we want is verse 2. Alors, ce que nous voulons, c'est le verset 2. And he says, et il dit, Daniel chapter 12, verse 2. Daniel chapitre 12, verset 2. Multitudes who sleep in the dust of the earth will awake, some to everlasting life and others to shame and everlasting contempt. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. After seeing the distress, après avoir vu la détresse, the unparalleled distress, cette détresse sans précédent, then Daniel, alors Daniel, now sees the rapture of the church, va maintenant voir l'enlèvement de l'église. Yes. Oui. The moment of truth is here. Le moment de la vérité c'est ici. After seeing the tremendous distress, après avoir vu cette énorme détresse, then Daniel now sees the rapture of the church. Alors Daniel voit maintenant l'enlèvement de l'église. He sees the rapture of the dead church. Il voit l'enlèvement de l'église morte. He says, multitude who sleep in the dust of the earth. Il dit la multitude qui s'endormait sous la poussière de la terre. Will awake. Vont se réveiller. Will resurrect. Vont se ressusciter. And he says, et il dit, according to Daniel, selon Daniel, there will be two groups. Il y aura deux groupes. Some will be resurrected for eternal life. Certains vont ressusciter pour la vie éternelle. Others resurrected for judgment and shame. Les autres vont ressusciter pour le jugement et la honte. Two groups, right? Deux groupes. Can we read verse 3? Est-ce qu'on peut lire le verset 3? Then I will explain to you the message. Et alors je vous explique le message. Verse 3, he says. Verset 3 dit. Those who are wise will shine like the brightness of the heavens, and those who lead many to righteousness like the stars forever and ever. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme des étoiles à toujours et à perpétuité. This is mighty. Ça c'est puissant. Listen to me. Écoutez-moi. Listen to what the Lord is saying here. Regardez ce que le Seigneur dit ici. Isaiah saw. Esaïe a vu. That when this visitation takes place, que lorsque cette visitation se produit, a historic revival hits the church. Un réveil historique frappe l'église. If you knew the water that I'm dispensing here, si vous saviez quelle eau je suis en train de donner ici, you would have asked me for that water. Tu m'aurais demandé cette eau-là. And I would have given you eternal water. Et je t'aurais donné l'eau éternelle. And you would have never thirsted again. Et tu n'aurais plus jamais eu soif. Now look at this now. Maintenant regardez ceci. Daniel now sees the rapture of the dead. Maintenant voit l'enlèvement des morts. I have seen the same vision. J'ai vu la même vision. But let me explain to you something. Mais permettez-moi de vous expliquer quelque chose. When Daniel, lorsque Daniel sees the vision, voit la vision. When the Lord shows him how the rapture will take place. Lorsque le Seigneur lui montre comment l'enlèvement va se produire. Look at what the Lord shows Daniel. Regardez ce que Dieu montre à Daniel. He shows Daniel. Il montre à Daniel. The two resurrections. Les deux résurrections. He shows Daniel. Il montre à Daniel. The resurrection of the dead who go to eternal life. Il montre à Daniel la résurrection des morts qui vont à la vie éternelle. And then he sees those who are resurrected for damnation, judgment. Et il voit ceux qui ressuscitent pour la condamnation, pour le jugement. Those are two resurrections. Ça fait deux résurrections. Sometimes when the Lord speaks with you, he presents the two almost together. Parfois, quand le Seigneur parle avec toi, il te présente les deux presque ensemble. When he presented to me the prophecy of the bloodshed coming to the Arab world and the church worshiping before the throne, they were together. Lorsque le Seigneur m'a montré la prophétie de l'écoulement de sang qui devait se produire dans le monde arabe, and also when the church appears before the throne, et lorsque l'église apparaît devant le trône, they were together. Les deux étaient ensemble. In fact, en effet, I feared. J'ai eu peur. I feared to give the prophecy. J'ai craint de donner la prophétie. Because I did not want to say. Parce que je ne voulais pas dire. That wait for the bloodshed in the Arab world first, then the rapture, the church enters. Parce que je ne voulais pas dire que attendez l'écoulement du sang dans le monde arabe premièrement et ensuite l'enlèvement de l'église. Nobody knows the day or the hour. Personne ni ne sait ni l'heure ni le jour. So I did not want people to say. Mais je ne voulais pas que les gens disent. No, the men of God have said. We wait for the bloodshed is coming, the Arab world first, the pale horse, and then the rapture now. Que les gens disent que, oh, l'homme de Dieu a dit, qu'on attend, on va voir l'écoulement du sang dans le monde arabe, et ensuite il y aura l'enlèvement. That's why I gave them together. C'est pour ça que je les ai donnés ensemble. But when the Lord shows them together, mais lorsque le Seigneur les montre ensemble, it means they are close together. La Bible veut dire, Dieu veut dire que c'est très proche. Did you understand that? That means they are very close together. Ça veut dire que les deux sont très proches. Everybody focus on this now. Tout le monde concentrez-vous sur ça. Daniel sees. Daniel a vu. The two resurrections. Les deux résurrections. The Lord shows him. Le Seigneur le lui montre. But for me, mais pour moi, when the rapture is near, quand l'enlèvement est proche, he shows me only the resurrection of those going to rapture. Il me montre seulement la résurrection de ceux qui vont à l'enlèvement. But the voice says, mais la voix dit, and the majority have remained in the dust of the earth. Que la majorité est restée dans la poussière de la terre. Are we together? Sommes-nous ensemble? The distance. La distance between the first resurrection entre la première résurrection and the resurrection for those for judgment et la résurrection de ceux destinés au jugement is 1,007 years. C'est 1,007 ans. 7 years after the rapture. 7 ans après l'enlèvement. And then 1,000 millennium of peace. Et 1,000 ans de millénaire. De paix. Peace. De paix. So there is a distance between the two. Donc il y a une distance entre les deux. But listen to me now. Mais écoutez-moi bien. When Isaiah sees this visitation, he says, it is for revival, it is for rapture. Lorsque Isaïe voit cette visitation, il dit que c'est pour le réveil, c'est pour l'enlèvement. And Isaiah also sees the people called my people. Et Isaïe voit aussi le peuple appelé mon peuple. But first of all, mais premièrement, Daniel in verse 3 sees something else. Mais Daniel dans le verset 3 voit autre chose. Which is the message to the church. Quel est le message à l'église? This is what Daniel sees. Voici ce que Daniel voit. He sees. Il voit. Those who are wise, que ceux qui sont sages, they will shine like the brightness of the heavens. Ils vont briller comme la clarté. And he sees those who lead many into righteousness. Et ceux-là qui enseignent beaucoup sur la voie de la justice. Again, encore. Daniel sees two groups. Daniel voit deux groupes. When the Lord shows him this visitation, the Lord shows him two groups. Daniel. Lorsque Dieu montre cette visitation, il montre à Daniel deux groupes. Those resurrected for rapture, resurrected for judgment. Ceux qui ressuscitent pour l'enlèvement, ceux qui ressuscitent pour le jugement. Now follow me. Maintenant suivez-moi. Among those resurrected for rapture, parmi ceux qui sont ressuscités pour l'enlèvement, Daniel sees two subgroups. Daniel voit deux sous-groupes. One subgroup, he says, those who are wise. Un sous-group, il appelle cela ceux qui sont sages. Do you remember when Jesus talked about the rapture, Matthew 25? Vous souvenez lorsque Jésus parle d'enlèvement dans Matthieu 25? When he says the wise virgins. Lorsqu'il parle des vierges sages. So he's talking about the wise church. Donc il parle de l'église sage. And if you read the book of Job 28. Et si tu lis le livre de Job au verset 28. All the way. Tout au long. Until verse 27 and 28. Jusqu'au verset 27 et 28. He said. Il dit. Job 28. Job 28. Can you read the Bible with me? Est-ce que vous pouvez lire la Bible avec Let moi? Us read the Bible. Lisons la Bible. I am giving a deep sermon. Deep, deep. Je suis en train de donner un sermon profond, profond. This is very deep. Ceci est très profond. And he says. Et il dit. Job 28. Job chapitre 28. Verse 18 he says. Verset 18 dit. Coral and jaspers are not worthy of mention. The price of wisdom is beyond rubies. Le corail et le cristal ne sont rien auprès d'elle. La sagesse vaut plus que les perles. The topaz of Cush cannot compare with it. It cannot be bought with pure gold. Le topaz d'Éthiopie n'est point son égal et l'or pur n'entre pas en balance avec elle. Where then does wisdom come from? Where does understanding dwell? D'où vient donc la sagesse? Où est la demeure de l'intelligence? It is hidden from the eyes of every living thing, concealed even from the birds in the air. Elle est cachée aux yeux de tout vivant. Elle est cachée aux oiseaux du ciel. Destruction and death say, only a rumor of it has reached our ears. Le gouffre et la mort disent, nous en avons entendu parler. God understands the way to it, and he alone knows where it dwells. C'est Dieu qui en sait le chemin. C'est lui qui en connaît la demeure. For he views the ends of the earth and sees everything under the heavens. Car il voit jusqu'aux extrémités de la terre. Il aperçoit tout sous les cieux. When he established the force of the wind and measured out the waters. Quand il régla le poids du vent et qu'il fixa la mesure des eaux. When he made a decree for the rain and a path for the thunderstorm. Then he looked at wisdom and appraised it and confirmed it and tested it. Quand il donna les lois à la pluie et qu'il traça la route de l'éclair et du tonnerre, alors il vit la sagesse et la manifesta, il en posa les fondements et la mit à l'épreuve. And unto men he said, the fear of the Lord is wisdom, and to shun evil is understanding. Puis il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse, s'éloigner du mal, c'est l'intelligence. And unto men, et aux hommes, he said, behold, it is the fear of the Lord that is wisdom. Il dit, voici, c'est la crainte du Seigneur qui est la sagesse. So when Daniel saw those who are resurrected for rapture, he taught two subgroups. Donc lorsque Daniel a vu ceux qui ont été ressuscités pour l'enlèvement, il vit deux sous-groupes. He saw one subgroup that is resurrected and they are wise. Et il a vu un groupe qui est ressuscité et qui est sage. And he says, the wise in their glorious bodies, they will shine like the brightness of the heavens. Et ils disent que les sages dans leur corps glorifié, ils vont briller comme la clarté du ciel. Very good. And then he sees another group. He sees those who lead many into righteousness. Il voit un autre groupe. Il dit ceux qui ont conduit un grand nombre dans le chemin de la justice. So Daniel is saying, donc Daniel dit that the time for rapture, que le temps de l'enlèvement, only the wise church, seule l'église sage, the church that walks in the fear of the Lord, l'église qui marche dans la crainte du Seigneur, will enter, va entrer. If I look at the way some of the women are dressed here today, si je vois comment certaines femmes sont habillées ici aujourd'hui, in very short mini skirts, dans une petite jupe, mini jupe, is that the fear of the Lord? Est-ce là la crainte du Seigneur? Non, ce n'est pas la crainte du Seigneur. Did you understand now? Comprenez-vous cela maintenant? He's saying, il dit, that when he speaks with somebody like me, que lorsqu'il parle avec quelqu'un comme moi, same vision, dans des visions, and send me to Cameroon, et il m'envoie au Cameroun. In other words, he has sent me to announce, en d'autres termes, il m'a envoyé pour annoncer, that behold, que voici, this is the dispensation of wisdom in the church. Que voici la dispensation de la sagesse dans l'église. The dispensation of the fear of the Lord in the church. La dispensation de la crainte du Seigneur dans l'église. Hallelujah. Amen. Oh yes. What a powerful message. Quel message puissant. Very. There is no time for preaching anything else. Il n'y a pas le temps pour prêcher autre chose. The Lord is calling the church in Cameroon to the fear of the Lord. Le Seigneur appelle l'église au Cameroun à la crainte du Seigneur. He's announcing to you that these are the days when every Christian must be wise. Il annonce que voici les jours où chaque chrétien doit être sage. You must live in the wisdom of God. Vous devez marcher dans le processus de Dieu. Daniel sees another subgroup. Daniel voit un autre sous-groupe. Those who lead people to righteousness. Ceux qui conduisent les gens sur le chemin de la justice. He sees that their glory, il voit que leur gloire, is higher than the first group. Est plus grande que celle du premier groupe. It is like the stars. C'est comme les étoiles. You know the way the stars shoot out of the heavens. Vous voyez comment l'étoile renvoie la lumière du haut des cieux. They shoot out. Ils renvoient the heavens and then the stars. Dans le ciel et les étoiles. What is Daniel talking about here? De quoi est-ce que Daniel parle ici? He is talking about, il parle, the rapture of the church. L'enlèvement de l'église. But he's saying, mais il dit, that behold I come, il dit, voici je viens, and my recompense, my reward is in my hand. Et ma récompense, la rétribution est dans mes mains. And I will give to each one according to what they have done. Et je vais donner à chacun selon ses œuvres. There is a higher prize for those who teach righteousness. Il y a un meilleur prix, un grand prix, un plus grand prix pour ceux qui enseignent la justice. That's what the Lord is saying to the church. Voilà ce que Dieu dit à l'église. He's saying, il dit, that these are the days for the church to walk in righteousness. Que voici les jours où l'église va marcher dans la justice. And my question to you as a pastor is this. Et ma question qui vous adresse en tant que pasteur est la suivante. Ever since you became a servant of the Lord. Depuis que tu es devenu un serviteur du Seigneur. Have you really led people into the righteousness of the Lord? Avez-vous réellement conduit les gens sur le chemin de la justice de Dieu? And the answer is no. Et la réponse est non. Because sometimes what you have done in church, parce que parfois ce que tu as fait à l'église, has made people run away from righteousness, a fait que les gens s'éloignent de la justice. Oh yes, that is how bad the situation in the church is. Voilà jusqu'où la situation est terrible dans l'église. And what the church has done, even here. Et vous voyez ici. And a woman who is a secretary to a pastor has a child. That's why I say, c'est pourquoi je dis, the Lord sometimes does his things. Le Seigneur parfois fait ses choses. I remember when the Lord was calling me and I was running away. Je me souviens quand le Seigneur m'appelait, j'étais en train de fuir. I was going to the big names you see on TV. J'étais en train d'aller vers les grands noms que vous voyez à la télé. Running. Courant. Knocking the door. Cognant, toquant les portes. Please, can I kneel down and you agree with me that I don't go? Est-ce que, s'il te plaît, est-ce que je peux me mettre à genoux pour que tu t'accordes avec moi pour que je ne parte pas? But every time I reached, mais chaque fois que j'arrivais, the Lord did not allow any of them to touch me. Le Seigneur n'a permis à aucun d'entre eux de me toucher. Now I understand why. Maintenant, je comprends pourquoi. Every time I reached, the door was closed. Chaque fois que j'arrivais, la porte était fermée. Sometimes it's better for the Lord alone to teach you. Parfois, c'est mieux que le Seigneur seul vous enseigne. So you don't learn the other tricks. Pour que tu n'apprennes pas les mauvaises pratiques. The other things I don't know. Les autres choses, je ne les connais pas. But all I know is this. Mais tout ce que je sais, c'est ceci. That the Lord is announcing. Que le Seigneur est en train d'annoncer. That this is the hour of the fear of the Lord. Que ça, c'est l'heure de la crainte de l'Éternel. And this is the hour of righteousness in the church. Et ça, c'est le temps de la justice dans l'église. That is what this visitation is announcing. C'est de ça, c'est ce qu'annonce cette visitation. But if we go back to Isaiah so I can finish. Même si nous pouvons retourner à Isaïe pour que je puisse finir. Isaiah 26 so I can finish. Isaïe 26 pour que je puisse finir. Isaiah 26. Isaïe 26. Hallelujah. Isaiah 26. Isaïe 26. We read only verse 19. Nous avons lu simplement le verset 19. Isaiah 26, verse 20. Isaïe 26, verset 20. And Isaiah sees. Et Isaïe voit. Go, my people, enter your rooms. If I were you. Si j'étais à votre place. And I meet my people. Et je vois le terme mon peuple. I would underline it. Je soulignerais cela. There is a special group of people. Il y a un groupe spécial de personnes. When the rapture happens, quand l'enlèvement se produit, the distress comes now. La détresse vient maintenant. And then the rapture happens. Et l'enlèvement se produit. He calls them my people. Il les appelle mon peuple. My peoples. Il les appelle mon peuple. He says. Il dit, go my people. Va mon peuple. Enter your rooms. Entre dans ta chambre. And shut the doors behind you. Et ferme la porte derrière toi. Hide yourselves for a little while. Cache-toi pour quelques instants. Until his wrath has passed by. Jusqu'à ce que la colère soit passée. See, the Lord is coming out of his dwelling. Vous voyez, le Seigneur sort de sa demeure. To punish the people of the earth. Pour punir les peuples de la terre. For their sins. Pour leur péché. The earth will disclose the blood shed upon her. La terre va présenter l'écoulement de sang sur elle. And she will conceal her slain no longer. Et la terre mettra le sang à nu et ne couvrira plus les meurtres. When Isaiah saw this visitation. Lorsque Isaïe a vu cette visitation, Isaiah saw two things. Isaïe a vu deux choses. He saw, il a vu, the open heaven, le ciel ouvert, and the massive flow from heaven. Et la grande coulée descendant du ciel. The massive anointing from heaven. La l'onction massive descendant du ciel. The glory of the Lord. La gloire du Seigneur. Come down. Descendant. Like snow. Comme la neige. Like mist. Comme la moisiture. Like morning dew. Comme la rosée du matin. Morning mist. Comme la rosée du matin. And now. Et maintenant. The next thing he sees. La prochaine chose qu'il is voit, the revival that that glory brings. Dans le réveil que cette gloire apporte. The harvesting of souls. La récolte des âmes. The healing of HIV in the church. La guérison du VIH dans l'église. And everybody begins to fear the church. Et tout le monde commence à craindre l'église. He sees revival. Il voit le réveil. Renovation of the image of the church. La rénovation de l'image de l'église. Appraising the image of the church. L'exaltation de l'image de l'église. Uplifting the church. Élévation de l'église. Rehabilitation of the church. La réhabilitation de l'église. Resuscitation of the church. La resuscitation de l'église. Resurrection of the church. La résurrection de l'église. Right now they think that the church is where the men sleep with women. Maintenant l'église est l'endroit où les hommes dorment avec les femmes. They think the church is where money only. Ils pensent que l'église est l'endroit où on parle argent. The diseases of the world are in the church. Les choses du monde sont dans but l'église. But when the Lord's glory comes, mais lorsque la gloire du Seigneur vient, then HIV is healed. Les VIH sont guéris. And the doctors start to come with files. Et les docteurs commencent à venir avec des dossiers. The cripples walk. Les boiteux marchent. The tumors dissolve. Les tumeurs sont the guéris. The cancers dry. Les cancers sèchent. The schools for the deaf. L'école des sourds. The school for the deaf and dumb. L'école des sourds muets. They bring their children in buses to the healing service. Ils viennent avec leurs enfants dans des bus. And I always ask the Lord. Et j'ai presque demandé au Seigneur. That Lord. Que Seigneur. Heal them in set. Guéris-les en sec. Not one. Pas un à un. And the Lord always heals. Eight, six. Et le Seigneur va généralement guérir 6, 8. When they are very deaf. Ou les sourds. And the Lord opens the ears. Et le Seigneur ouvre les oreilles. He's too sensitive. C'est, ils sont trop sensibles. Ah! That is the revival of the church. Voilà le réveil de l'église. Renovation of the church. La rénovation de l'église. Rehabilitation of the church. La réhabilitation de l'église. The raising of the church. L'élévation de l'église. That is what Isaiah saw. Voilà ce que Isaïe a when vu. When this glory comes. Quand cette gloire vient. However, peu importe, from the same open heaven. À partir du même ciel ouvert. Then verse 20. Et le verset 20. Isaiah now sees. Isaïe maintenant voit a special people, un peuple spécial called my people, appelé mon peuple, and he sees them, et il les voit entering through the same door, entrant par la même porte that is open, qui est ouverte, and he says, et il dit, go my people, il dit, ouh mon peuple, enter your rooms, va mon peuple, entre and dans ta shut chambre, the doors behind you, et ferme la porte derrière toi. It means the following. Cela signifie ceci. Isaiah saw. Isaïe a vu the rooms Jesus went to prepare in John chapter 14. La chambre que Jésus allait préparer dans Jean chapitre 14. John 14. Jean 14. John chapter 14. Jean chapitre 14. Verse 1 to verse 3. Verset 1 à 3. Do not let your hearts be troubled. Que votre cœur ne se trouble point. Trust in God, trust also in me. Croyez en Dieu et croyez en moi. In my father's house are many rooms. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. If it were not so, I would have told you. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. I am going there to prepare a place for you. Je vais vous préparer une place. And if I go there to prepare a place for you, et lorsque je m'en serai allé, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. Et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. You know the way to where I am going. Vous connaissez le chemin de là où je vais. Can somebody focus on me? Est-ce que quelqu'un peut se concentrer sur moi? Jesus said, Jésus dit, in my father's house, dans la maison de mon père, there are many rooms. Il y a plusieurs chambres. There are many mansions. Il y a plusieurs châteaux. That is the rapture of the church. Jesus talked about the rapture. Jésus parle de l'enlèvement de l'église. That one is the rapture of the church. Ça, ça parle d'enlèvement. John 14. Jean 14. He's saying, il dit, I am going to my father's place. Je vais vers la demeure de mon père. To prepare some rooms for you. Pour vous préparer des chambres. Some mansions for you. Certains des châteaux. And when I do so, et quand je l'aurai fait, I will be back. Je vais revenir. To take you. Pour vous prendre. That you also may be. Pour que vous puissiez aussi être where I am. Là où je suis. That is Jesus talking about the rapture of the church. Voilà Jésus qui parle de l'enlèvement de l'église. And it's amazing to me. Et c'est clair, étonnant pour moi. That Isaiah saw the rooms Jesus went to prepare for the church. Isaïe a vu les chambres que Jésus allait préparer pour l'église. That's why Isaiah sees. C'est pour ça qu'Isaïe voit. When this glory comes. Lorsque cette gloire vient. Open heaven. Les cieux ouverts. The revival is here. La gloire est là. The glory falls. La gloire tombe. The Lord visits. Le Seigneur visite. Then he sees. Et alors il voit. Go my people. Il dit, va mon peuple. Enter your rooms. Entre dans ta chambre. And shut the doors behind you. Et ferme la porte derrière toi. Meaning, signifiant que Isaiah also saw. Isaïe a aussi vu. The closing of the door to heaven. La fermeture des portes dans le ciel. The Bible says, la Bible dit, like it was during the time of Noah, comme il en a été au temps de Noé, so will it be at the coming of the Messiah. Ainsi sera-t-il lors de la venue du Messie. But the time of Noah, mais le temps de Noé, in Genesis chapter 7 verse 16, dans Genèse chapitre 7 verset 16, Genesis 7 16, Genèse chapitre 7 verse 16, verset 16, Genesis 7 16, Genèse 7 16. He says, il dit, the animals going in were male and female of every living thing as God had commanded Noah. Then the Lord shut him in. Il en entra, mâle et femelle, de toute chair comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Did somebody hear me? Est-ce que quelqu'un m'a compris? He says, il dit, after Noah entered, après que Noé soit entré, the animals going in, les animaux qui entraient, were male and female, étaient mâles et femelles, of every creation, de toute création, as God had commanded him, comme Dieu le lui avait ordonné, full stop, point. Then he says, alors il dit, then the Lord shut him in, alors le Seigneur ferma la porte sur lui. But I love Spanish. Mais j'aime l'espagnol. And Portuguese. Et le portugais. Because Spanish and Portuguese says. Parce que l'espagnol et le portugais disent. Le Seigneur cerró la puerta. Le Seigneur cerró la puerta. And the Lord shut the door. Et le Seigneur ferma la porte. If you go to Matthew chapter 25 verse 10 and 11. Si vous allez dans Matthieu, chapitre 25, verset 10 à 11. Matthieu 25. Matthieu 25. Verses 10 to 12. Verset 10 à 12. Matthieu 25, verse 10. Are you there? Matthieu 25, verset 10. Est-ce que vous y êtes? He says, il dit, but while they were on their way to buy the oil, the bridegroom arrived. The virgins who were ready went in with him to the wedding banquet, and the door was shut. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. So listen to me. Alors écoutez-moi. When Isaiah saw, lorsque Isaïe a vu, this visitation of Jehovah, cette visitation de Jéhovah, Isaiah, Isaïe, also saw, a aussi vu, the entry of the bride, the elect of Christ, the elect of God, l'entrée de l'épouse, les élus de Christ, les élus de Dieu, the holy church, l'église sainte, the wise church, l'église sage. He saw the righteous church, il a vu l'église juste, entering, entrant. And then Isaiah also sees, alors Isaïe a aussi vu, the shutting of the door to heaven, la fermeture de la porte du ciel. Did you understand the message from this glory? Est-ce que vous avez compris le message à partir de cette gloire? Now you understand the message. Maintenant vous comprenez le message. In other words, the Lord is saying. En d'autres termes, le Seigneur dit that when this glory comes, que lorsque cette gloire vient, and He sends somebody like me to you, et il envoie quelqu'un comme moi vers vous, I said I am the messenger of the rain. J'ai dit je suis le messager de, du règne, de la pluie. Of the rain, de la pluie. And when He sends me to you, et quand il m'envoie vers vous, then that means. Là, cela veut dire there is an underlying message. Qu'il y a un message de dessous. There is a message here that is not being said to you. Il y a un message là qui n'était pas en train d'être dit. Meaning the Lord is saying. Signifiant que le Seigneur dit. I am announcing. J'annonce. That the door will soon shut. Que la porte va bientôt être fermée. Make sure you enter now when it's open. Assurez-vous que vous entrez maintenant que c'est ouvert. Why? Pourquoi? Because in 1 Corinthians chapter 15 verse 50. Parce que dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 50. 1 Corinthians 15 verse 50. 1 Corinthiens 15 verset 50. 1 Corinthians chapter 15 verse 50. 1 Corinthiens 15 50. He says, il dit about the rapture. Au sujet de l'enlèvement. I declare to you brothers that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, nor does the perishable inherit the imperishable. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Listen, I tell you a mystery. We will not all sleep, but we will all be changed. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. In a flash, in the twinkling of an eye, at the last trumpet. En un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette. For the trumpet will sound, and the dead will be raised imperishable, and we will all be changed. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous nous serons changés. For the perishable must clothe itself with the imperishable, and the mortal with immortality. Car il faut que ce corps incorruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. When the perishable has been clothed with the imperishable and the mortal with the immortality, then the saying that is written will come true. Death has been swallowed up in victory. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. The Lord is saying, le Seigneur est en train de dire that I should come and announce to you the shutting of the door in heaven. Que je dois venir vous annoncer la fermeture de la porte du ciel. And he's saying, et il dit that enter now. Entre maintenant. Enter now. Entre maintenant. Because. Parce que. On that day. En ce jour-là. At that hour. À cette heure-là. In that minute. Dans cette minute-là. In that second. Dans cette seconde-là. In that microsecond. Dans cette microseconde. You cannot prepare. Vous ne pourriez pas vous préparer. He says, in a flash. Il dit, en un clin d'œil. In the twinkling of an eye. En un clin d'œil. It will happen. Ça va se produire. Ah. And so the question is this. Alors voici la question. If the flesh and blood, si la chair et le sang, the perishable, ce qui est périssable, cannot inherit the imperishable kingdom of God, ne peut pas hériter du royaume impérissable de Dieu. Then why is the church in Cameroon walking in the perishable flesh? Il marche dans la chair périssable. Let me repeat this. Je vais répéter ceci. When you hear the story, quand vous écoutez l'histoire, gave birth with this secretary, qui a raconté au sujet de cette secrétaire, with the worship leader, avec le leader d'adoration, abandonnant, his wife, abandonnant sa femme, and got a new girl from the church, et a piqué une autre fille dans l'église, a woman that is shelling money to the church, et une femme qui est en train de donner de l'argent à l'église, and she's very close to the pastor, et elle est très proche du pasteur. She knows everything about the pastor. Elle sait tout au sujet du pasteur. She knows when his clothes will come from the laundry. Elle sait quand son habit va venir du pressing. The clothes. Oui, son habit. From the dry cleaner. Du pressing. He knows when the vehicle should go for servicing. Elle sait quand son véhicule va être envoyé pour la maintenance. That woman, elle, cette femme, knows more about the pastor than the pastor's wife. Sait plus au sujet du pasteur que la femme du pasteur n'en sait même. And the worship team, Et l'équipe de l'adoration. They are dating, they are seeing each other in sexual sin. Dans cette équipe d'adoration, ils sortent ensemble entre eux. And the false prophets are in the church. Et les faux prophètes sont dans l'église. False apostles. Les faux apôtres. When you see a church like that, quand vous voyez une église comme celle-là, then you know that that church is walking and worshiping in the flesh and the blood. Vous savez que cette église marche et adore dans la chair it et le sang. It is worshiping in the physical realm. Ils adorent dans le règne physique. It is in the perishable realm. C'est dans le règne it périssable. It is in the mortal realm. Ils sont dans le règne mortel. It is in the corruptible realm. Il est dans le règne corruptible. But the Lord is sending me to announce. Mais le Seigneur m'envoie annoncer. That behold now. Que voici maintenant. The dispensation is here. La dispensation est là. The visitation is here. La visitation est là. And so this visitation, alors cette visitation of God the Father himself, du Dieu le Père lui-même, tabernacled in the church, il tabernacle dans l'église. He brings to the church, il apporte à l'église, the dispensation, la dispensation of the imperishable realm, du règne impérissable, of the immortal realm, du règne immortel, of the incorruptible, du règne incorruptible, worship, de l'adoration incorruptible. That is the announcement. Voilà l'annonce. Nothing else will matter now. Rien d'autre n'aura de l'importance. Nothing. Rien. Nothing else will matter at this hour. Rien d'autre n'aura de l'importance. If there are people who want to receive the Lord, just lift up your hand. In 1 minute, I lead you to the Lord. Et s'il y a des gens qui veulent recevoir le Seigneur, qui lèvent la main. Repeat this prayer. Répétez avec moi cette prière. Say, precious Jesus. Dites, précieux Jésus. I surrender to you today. Je me soumets à toi aujourd'hui. And repent of all sins. Et je me repens de tout péché. And give you my life. Et je te donne ma vie. And ask you to come into my life. Et je te demande d'entrer dans ma vie. And establish your word in my life. Et que tu établisses ta parole dans ma vie. Precious Jesus. Précieux Jésus. I have heard about your coming. J'ai entendu parler de ta venue. And I ask you today. Et je te demande aujourd'hui. When you come for the church. Lorsque tu viendras pour l'église. Please remember me. S'il te plaît, souviens-toi de moi. In the mighty name of Jesus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Listen, precious people. Écoutez, peuple précieux. I have seen the coming of the Messiah. J'ai vu la venue du Messie. I have seen. J'ai vu. The glorious coming of the Messiah. La venue glorieuse du Messie. And. Et. I see him taking a holy, glorious church. Je le vois prendre, enlever une église sainte et glorieuse. Please, je vous en prie. Prepare the way. Préparez le chemin. This is he about whom it is written. Il s'agit de celui de qui il est écrit. But in those days, mais en ces jours-là, I will send you my messenger. Que je vous enverrai mon messager. Ahead of you. Devant vous. To prepare your way. Pour préparer votre chemin. I have seen the Lord coming. J'ai vu le Seigneur venir. The Messiah is coming. Le Messie arrive. Prepare the way. Préparez le chemin. Shalom, shalom. Shalom, shalom.